Dédiqué sur Fun Radio avec DJ Magic Cut, ça c'était Daily Cool, il est 6h26. Bonjour tout le monde, si vous êtes débarqué, c'est le warm-up qui se termine et l'émission qui démarre en direct jusqu'à 9h30 ce matin. Avec Julie qui est en pleine forme. Toujours en pleine forme. Mais oui, nickel. Toujours au taquet, toujours pas malade. Même si ça... bizarrement... Non, je m'inquiétais parce que comme hier déjà t'as raté chat qui est arrivé deux fois en plein milieu de la gorge. Là, mais donc... oui, d'ailleurs je l'ai gardé toute la journée ce chat. Ah oui, bon bah ça ouais. Va alors, on est tranquille. Tout le monde est au courant. Bon bah c'est bien. Et sinon, non, ça va, bizarrement, je ne suis toujours pas malade. D'accord. Donc, j'attends. Bah, je suis claqué, mais c'est pas grave, demain je serai en pleine forme. À tourner, on sera à tourner demain rue Royale au numéro 18, c'est la boulangerie Vienne. On sera là, il y aura de la bouffe et de la bouffe, et il y aura que ça à bouffer d'ailleurs. Donc si vous voulez venir, pour la peine, demain je paierai mes factures comme d'habitude, et en plus je paierai le petit déj. Donc voilà, on vous attend nombreux. Donc 18 rue Royale dès 6h demain matin. Donc c'est à la boulangerie Vienne, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Ce matin, grosse journée évidemment, enfin grosse matinée en l'occurrence, puisqu'il y aura à gagner les tablettes numériques Lenco qu'on vous offrira avant 9h30. Encore une fois, notre invité mystère, comme d'habitude, qui sera parmi nous, évidemment. Nous aurons également les écrans plats à vous offrir. Tof qui est là aussi en pleine forme. En pleine forme. Eh ben, tant mieux. On va faire chier du monde ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive encore Quoi, c'était fort? Non, c'était pas fort, c'était archi fort. Ah bon, ça va, oui, mais ça c'est le soir, ils ont quelques petits problèmes de surdité le soir. Les mecs n'ont pas d'oreilles, c'est pas possible. Ah non, mais ils en ont plus maintenant, c'est terminé. Oui, il faut savoir, quand on arrive ici le matin, les casques sont tellement forts avec Vince et l'équipe que on pourrait réveiller les voisins, mais juste avec les casques. Ah, mais c'est pas fort, mais. Ah, c'est très fort, c'est très très fort, voilà. Bon, et puis les écrans plats évidemment à gagner ce matin. Comment avec la petite devinette qui colle. Et tu serais prêt pour BLRTL, Tof? Je comprends pas. Oui, mais tu serais prêt, vas-y, tu peux y aller. Donc je disais, donc devinette qui colle avec les écrans plats à gagner ce matin. On va démarrer avec la première devinette qui colle ce matin. C'est une région française. La ville a le sien. Commercial, on y fait ses achats. Et d'accueil, il nous informe. Qui est-il? C'est facile, hein, au foot en général, on essaye de... On la met au centre. Non, c'est en basket, pardon. Bon, donc je répète. C'est une région française. La ville a le sien. Commercial, on y fait ses achats. Et d'accueil, il nous informe. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et vous repartirez peut-être avec, dans quelques instants, eh bien, un écran plat, tout simplement. Voilà, bonne chance tout le monde. On aura aussi la ligne anti-relou. Ça débarquera tout à l'heure d'ici 20 bonnes minutes. Et comme je le disais, je rembourserai vos factures une fois de plus ce matin. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, allez-y. 63-22, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Voilà, on écoutera également le son de Kanye West. Kanye West avec Jay-Z et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You sur Fun Radio. 6h28, un petit peu avant les autres, bah c'est bien d'être en avance, hein. C'est les infos maintenant avec notre amie Julie. Est-ce qu'il y a du lourd aujourd'hui? Oh bah ça va. Il y a du très lourd, non? Bah écoute, en tout cas, les accords s'enchaînent au 16 rue de la Loi. Cette fois, c'est les dossiers sur l'égalité des chances, la défense, l'Europe et l'international qui sont bouclés par les négociateurs. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice. Plus généralement, on avance à grands pas vers un accord final. Mais ces accords ne plaisent pas à tout le monde. Le groupe SNCB rejette le plan d'économie dans un courrier daté du 16 novembre au formateur Elio Di Rupo. Le plan d'économie, leur demandant un effort de 180 millions d'euros sur 3 ans. D'après eux, imposer des efforts au groupe mettrait à mal de grands projets comme le déploiement du système européen de sécurité, le RER ou encore les grandes gares. Le dossier des pensions, lui, est déjà bien bouclé, mais selon un sondage Eurobaromètre, un Belge sur deux trouve que beaucoup de personnes prennent leur retraite trop tôt. Près d'un Belge sur cinq se déclare tout à fait d'accord avec la suggestion que les citoyens du pays prennent leur pension trop tôt et plus d'un tiers sont plutôt d'accord, ce qui fait au total 54%. En moyenne, dans l'Union européenne, les citoyens ne partagent cet avis qu'à 44%. Voilà une bonne nouvelle pour certains, les contrôles de l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés débouchent davantage sur des remboursements que sur des recouvrements. 14 contrôleurs traquent les erreurs en Belgique et quelques 96 300 euros ont été récupérés, mais des remboursements ont également eu lieu à hauteur de 328 135 euros. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagnent. Selon une étude de Deloitte de 2011, l'argent... Pourquoi toi tu ne comptes pas en offrir? Je vais réfléchir. Bien sûr. En tout cas, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux de fête de fin d'année. Bah oui, les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté. Les Belges prévoient aussi de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. Et pour finir, le docteur Konrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson en juin 2009. Le juge a admis que le docteur Murray devrait indemniser les enfants et les héritiers du chanteur, mais a indiqué que le montant serait décidé à une prochaine audience fixée au 23 janvier. J'ai entendu apparemment que ça pouvait aller jusqu'à 100 millions de dollars. Tout à fait. Ouais, mec, il y a peu dans la merde, effectivement. 6h31 sur Fun Radio. La météo, quel temps pour aujourd'hui? C'est plutôt une bonne journée pour aujourd'hui. Profitez, c'est la dernière. Hein. Oui, évidemment, oui, c'est exactement ça. Il y aura quand même quelques passages nuageux, mais en tout cas, le temps restera sec. Température de 7 à 11 degrés cet après-midi. Comme tu le dis, Mickaël, mieux vaut en profiter parce que demain, c'est tout le contraire. De la pluie et des rafales de vent. On va être bien tourné. Programme, oui, et effectivement, et à tourner, il y aura de 6 à 11 degrés demain avec de la pluie. Ah, bah sympa, tu vois, là, on y va pas pour rien. C'est ça qui est cool, tiens. 6h32, dans un instant, c'est Jay-Z, Kanye West avec Mr. Hudson et Why I Love You. Je vous rappelle la devinette qui colle en speed. C'est une région française. La ville a le sien. Commercial, on y fait ses achats. Et d'accueil, il nous informe qui est-il. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Et les écrans plats et en basket, par exemple, elle doit être au centre. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, en tout cas en début de partie. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance. Et à 6h32, c'est l'info en plus. Alors, je sais pas si tu as souffert d'acné, toi, Mickaël, étant plus jeune. Bah non, pas trop. J'avais quelques boutons comme ça de temps en temps qui arrivaient. Ils étaient bien violents et ils faisaient bien mal, mais j'en avais pas plein la tronche, quoi. Eh bien, en tout cas, pour les filles, les chercheurs ont découvert que l'acné serait plutôt l'apanage des femmes qui réussissent. Ah bon ? Eh bien oui. Donc quand t'as pas d'acné, tu réussis pas ? En tout cas, ce serait plus pour les femmes qui réussissent. Les scientifiques pensent que c'est dû au stress en fait de la réussite. Les femmes sont davantage mises à la pression et au stress qu'avant. Elles développeraient donc plus d'hormones masculines. Alors du coup, la peau est plus grasse et les pores sont plus souvent bouchées. Donc apparemment, ce serait le stress d'être en train de réussir parce que tu es sous pression, tu travailles beaucoup, mais bon, tu grimpes les échelons. Et donc du coup, tu ferais plus de boutons, quoi, parce que ta peau commence à être plus grasse. Donc je me dis, si jamais vous souffrez d'acné, dites-vous au moins que vous êtes en train de réussir. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Julie, puisqu'elle nous a dit il y a quelques jours qu'elle n'a jamais eu d'acné. Non, moi j'ai jamais eu d'acné, donc je me dis que je fais attention à ce que tu dis. Je suis vouée à. Ça évidemment, oui, ça te Je retiens tout ça, je retiens tout ce qui peut m'intéresser. Je ne jamais réussir, moi. Donc, c'est pas grave. Bon, on le voit avec ta voiture. Oui, effectivement. C'est un échec total, hein. Ça va être défoncé de partout, la pauvre. Ah oui, là, c'est. C'est la poubelle, je pense, bientôt. Elle est bientôt pour la poubelle, effectivement. 6h33 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Comme promis, le son de Jay-Z et Kanye West maintenant, c'est Why I Love You sur Fun Radio. Bon réveil. Il est 6h37 sur Fun Radio. Bon réveil. C'est mercredi aujourd'hui, le 30 novembre. Demain, on sera en direct de Tournai. Ça se passe à 18 rue Royale. C'est à la boulangerie Vienne. On sera là. Donc, si vous voulez, comme d'habitude, je paierai mes factures. Et comme cette fois-ci, on se déplace dans une boulangerie, je paierai le petit déj. Donc, si vous voulez passer nous voir, vous serez bien évidemment les bienvenus. Alors, apparemment, j'ai eu ouï dire que j'aurais fait une bêtise en donnant indice à la tuinette comme un idiot. Donc, je répète, c'est une région française. La ville a le sien commercial. On y fait ses achats et d'accueil, il nous informe qui est-il. Et en basket, la balle doit y être. Voilà, c'est peut-être. Voilà, ce que j'avais donné. Pour ceux qui ont écouté juste avant, vous avez la réponse. Oui, parce que j'ai inversé, j'ai pas dit balle, j'ai dit l'autre comme un idiot. Bon, voilà, j'ai c'est pas là. J'ai pas osé relever, j'avais peur que. Mais tu dois, affirme-toi, n'hésite pas. À chaque fois que je relève, tu m'engueules. Tout de suite, c'est genre femme battue. Ah ouais, limite. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il faut pour entendre. Bon, c'est une région française, la ville a le sien, toutes les villes ont la leur. Commercial, on y fait ses achats et d'accueil, il nous informe qui est-il. Si vous avez la réponse, 6322, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec un écran plat. Bonne chance tout le monde. On va parler des anges de la télé-réalité maintenant. Oui, la prochaine saison, la saison 4 qui va arriver. J'ai déjà quelques infos. Ah, je vais partager ça avec vous. Alors Amélie, ça te dit quelque chose de Secret Story? Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, la Belge, la blonde, la cri criait tout le temps et qui sortait avec Senna. Oui, avec Senna, arrête, ça va. Black Mamba comme il s'était appelé dans Secret Story. Oui, bien, Black Mamba. Qui, on a suivi pas mal de ces histoires parce que elle était enceinte de lui et puis non et puis oui. Enfin maintenant elle est enceinte en tout cas et donc elle devrait intégrer les anges de la télé-réalité numéro 4 et elle pourrait l'intégrer avec son petit bout de chou. Forcément. puisque ça se tournera dans quelques semaines et qu'à ce, qu'à ce moment-là, elle aura quand même son petit bébé. Donc elle pourrait l'intégrer avec le petit bébé et ça se tournera à Hawaï. Cette fois. Pour rappel, ils étaient à New York. Ouais, la dernière fois, ils étaient à New York. La dernière fois. Et alors, la marraine de cette édition, ça pourrait être une blonde qui a pris 45 kilos en un an. Loana. Et qui aime beaucoup, voilà, exactement. Moi, je veux bien les filmer s'il faut, ou animer le bordel. À Hawaï, moi, j'y vais. Bah écoute, ce sera à Hawaï, marraine Loana et Amélie, notre Amélie belge, pourrait participer au casting. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, on va voir. À mon avis, ça risque d'être bien, bien con comme d'habitude. Mais bon. Oui, il y a de quoi faire. Je pense qu'on va encore bien s'amuser. Bon, proposer le panier pour la devinette qui colle. Non, pas du tout, parce que le panier au commercial, tout à fait, pourquoi pas. Mais je vais dire une troisième fois. C'est dramatique. Aujourd'hui, c'est pas mon genre. Mais le panier n'est pas une région française, évidemment. Donc, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance. Allez, 6h39, dans un instant, la ligne anti-relou. On fera un tour du côté de l'infotrafic également et on écoutera le son de Mr. You et Conan Riel. Ce sera Mets-toi à l'aise sur Fun Radio, 6h40. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. C'est Fun Radio, il est 6h43. Bon appétit à Julie. Merci, c'est gentil. Et on va parler de la faute trafic. Maintenant, il se passe quoi sur les routes? Prudence, perte de chargement sur le 314 Erlen, donc depuis les Pays-Bas, en direction de Leuven, à hauteur de Hallen. Une bande est obstruée, perdue. C'est un chargement d'isolation qui a été perdu. D'accord, ok, très bien. Donc si jamais vous devez refaire l'isolation chez vous, n'hésitez pas à vous déplacer là-bas. Il est temps d'aller chercher. Il y a quelques petites plaquettes éventuellement qui sont disponibles gratos. 6h44. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas non plus à nous envoyer tous vos messages au 3044 par SMS. C'est 50 centimes le message ou alors directement sur mon mail mickaël@funradio.be. si vous êtes témoin d'un problème sur la route, que ce soit un accident, que ce soit un bouchon ou même un radar, signalez-le nous de manière à ce qu'on puisse prévenir tous les autres auditeurs. C'est ce qu'on appelle un peu la fun solidarité. Voilà, je compte sur vous. Donc 3044 par SMS. Dans un instant, ce sera la ligne anti-relou. Je vous rappellerai encore une fois également la devinette qui colle et on écoute comme promis le son de avec Mets-toi à l'aise. Ouais, je suis un peu fainéant, je préfère qu'il le dise, qu'il s'annonce lui-même maintenant. C'était Mister You et le Colonel Rayel à l'instant sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et la ligne anti-relou, c'est chaque matin évidemment avec vos messages qui ont été laissés sur le 0 473 86 00 13. C'est le numéro de la ligne anti-relou à connaître par cœur. Numéro que Toff a à mon avis très souvent tapé demain à la boulangerie à Tournai, puisqu'on sera là-bas en direct. Hein. Pas du tout, je ne compte pas gratter de numéro. Oh bah dis donc. Non, je consomme sur place, j'aurai la Twingo, il n'y a pas de problème. Ah génial, avec la Twingo alors. Si vous voulez terminer sur le siège arrière de la Twingo avec Toff, waouh, quel gay, quel kiff, rien que ça donne envie d'aller. Rien que pour ça, je lui regrette. Ah oui, alors là, franchement, je sais bien qu'elle aurait bien voulu essayer le siège arrière, mais c'est pas possible. Ouais, je te l'ai déjà dit. Mais oui, je suis trop grande. Mais oui, trop grande surtout. Bon, donc la ligne anti-relou, c'est un numéro à donner à tous les relous que vous croisez, tous les relous qui viennent vous prendre la tête. C'est le concept d'un relou, tu me diras. 0 473 86 00 13. Et on va écouter maintenant le premier message des relous d'aujourd'hui. Bon, allô, c'est encore Maxence, le jardinier. Bah, je suis à la soirée de Saint-Éloi et on m'avait dit que tu serais là. T'as un empêchement peut-être. Allez, un gros bisou. Sonne-moi, on t'attend. Salut. Salut. Salut. Salut. Bon, bah, il a parlé. Bon, il a l'air relou mais gentil. Oui, c'est plutôt un gentil voilà, relou. Voilà, ça a l'air un relou mais gentil, enfin, effectivement. Bon, je peux comprendre pourquoi la fille lui a donné son numéro. Ah oui, oui, oui. Bah moi aussi, effectivement. Oui. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Coucou François, c'est Vanessa. Tu te rappelles Adrien parce qu'il devait venir chez moi et donc vu qu'il n'est pas là, ça me fait chier. Donc si tu savais quand t'allumeras ton GSM, bien sûr, lui dire que je l'attends toujours. Merci, c'est sympa. Coucou, au revoir. Coucou, au revoir. Alors soit elle a eu je sais pas, elle a eu un oubli comme ça, tu vois. Soit on l'a bercé trop près du mur, comme on dit. Oui, c'est possible également, effectivement. Bah, je pense plutôt qu'il y a eu le feu dans son berceau et que sa maman l'a été à coup de pelle. Peut-être, je sais pas, quelle violence. En tout cas, quelle y a violence. Un problème. Mais peut-être que le coup de pelle c'était un petit peu trop violent. Mais en tout cas, il y a eu un problème. Il y a eu un petit problème. C'est coucou, au revoir. Bon, allez hop, dernier message pour Storcy. Allez, viens maintenant. D'accord, donc je rappelle que l'abus d'alcool, l'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. Et que la drogue, c'est même pas bien, ouais, c'est mal. Oui, exactement, hein, évite le Xanax. Et que le mélange, c'est explosif, comme on peut le constater. Exactement. Bon, ligne anti-relou qui revient en moins d'une heure, 0473 86 0013. Et puis on va faire chez du monde aussi dans un instant avec Toff. Oui. Ah, bah, tu vois, c'est bien d'avouer les choses. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire bon, oui. C'est bien d'avouer les choses. Et puis, je vous rappellerai également la devinette qui colle dans un instant. Bah, je peux le faire maintenant, tiens. C'est une région française. La ville a le sien. Commercial, on y fait ses achats. Et d'accueil, il nous informe. Si vous avez la bonne réponse, 6322 par SMS ont proposé le gérant. Je ne vois pas le rapport, mais probablement que tu as une idée bien précise. Mais ce sont des indices pourris. Hein, mais ouais, je me suis un peu égaré au début d'émission, au début de l'émission, voilà. Dans un sport, la balle doit y être pour démarrer le jeu, voilà. J'ai toujours peur de donner des indices parce que j'ai toujours peur de donner la réponse. Ça m'arrive jamais, mais j'ai toujours peur deux fois ce matin. C'est faux, donner la réponse. C'est absolument mais non, faux. Mais non. Allez, 63-22 si vous avez la bonne réponse. C'est un écran plat qui est à gagner ce matin. Et puis on va écouter le son de Lucenzo maintenant. Et Don Omar, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio, 6h51. Il y a le nouveau Beyoncé qui arrive dans quelques instants avec Love on Top. 6h54 sur Fun Radio. On proposait comme réponse, il y en a pas mal qui sont arrivés, tiens, des réponses. Toujours un panier, c'est Émilie. Mais alors pourquoi un panier? Je ne comprends pas. Ce sont tes indices pourris. Mais arrête un peu, les indices, je les ai donnés tout à l'heure là et je me suis rendu compte. Et encore, c'est même pas vrai. C'est une région française, ça n'existe pas le panier. La ville a le sien, effectivement, le panier commercial. On y fait ses achats, certes, on va pas au panier, on y va avec un panier à la limite. Et d'accueil, il nous informe, car oui, il y a des paniers d'accueil. Bien sûr. Mais oui, c'est bien connu. Mais c'est bien connu. Moi-même, quand je cherche une information, je vais au panier d'accueil. Bah, évidemment. Mais oui, mais tout à fait. Bon, la bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Il y a donc des écrans plats à gagner. Bon, alors, c'est quoi le réveil du jour, Toff? Alors, c'est-à-dire que là, je suis tombé encore sur une étude, sur un sondage un peu insolite, ouais, sur les endroits où les gens ont déjà fait l'amour. Contrairement à étonné. Voilà, et donc, alors, c'est quoi, vous, les endroits les plus ouf où vous avez fait l'amour? Moi, un avion. Ouais, c'est pas mal. Bon, un petit 747, c'était sympa. Ouais, c'est pas mal, Julie. Oh, moi, j'ai rien de spécial. Rien de spécial? Non, je pense pas que j'ai un endroit de ouf. Et l'aube, son Alfa Romeo? Non, dans des toilettes. Dans des toilettes, oh, ouais. Non, ah ouais, c'est vachement sympa, non, ça, des toilettes propres. Ouais, des toilettes dégueulasses, une discothèque bien crade, tu vois. Oh, l'horreur. Ah ouais, super, ouais. Bah, dites-nous par SMS, Léa Tchao, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans des endroits un peu particuliers, on va dire, ou en tout cas originaux. Voilà, ouais. 3044, dites-nous par SMS, on attend vos messages, et pareil sur le Facebook ou le Twitter, tapez Mickaël officiel. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même bien plus rock'n'roll que vous, et puisque 5% des gens qui ont répondu donc à ce sondage ont déjà fait l'amour dans une église. Oh. Voyez, on respecte, bon, on respecte plus rien de nos jours. Bon, mais ça me dit toujours pas pourquoi tu appelles. Bah parce que moi j'ai été choqué et donc du coup je voulais savoir si les gens font vraiment l'amour dans des églises. Ah ouais, d'accord. Bon bah écoute, on va y aller, on va appeler à Coutumin. Allons-y. Bon, on avait appelé à Tumain hier, comme ça on a un coup maintenant. Coup Tumain. Hop là, on appelle, c'est parti. Et puis dites-nous, hein, où est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans les endroits insolites, qu'on puisse voir si effectivement notre sondage tient la route ou pas. Et surtout, est-ce que vous le feriez dans une église? Oui aussi, est-ce que vous le feriez dans une église? Oui, 3044 par SMS ou alors gratuitement sur le Twitter ou sur le Facebook de l'émission MIKL officiel. On vous attend. Allez, c'est parti. On appelle à Tumain maintenant. Ah, Coup Tumain, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle pour savoir, enfin, parce qu'il y a 5% des gens qui ont déjà fait l'amour dans une église. Et je voulais savoir si vous l'aviez déjà essayé. Mais vous êtes fou ou quoi, monsieur? Mais pas du tout. Ah bah voilà, c'est terminé. Bon bah très bien, vous êtes fou. Bon, on va rester là-dessus, on va rappeler, hein. Bah oui, je suis assez déçu quand même. Bah oui, écoute, on y va. En même temps, t'attendais pas à avoir des réponses, j'espère, quand même. Ah, si. Ferme l'amour dans la rue, sur un comptoir. Allô? Oui, bonjour, monsieur. J'étais au téléphone avec votre femme, et elle n'a pas répondu à ma question. Écoutez, monsieur, c'est la troisième fois, monsieur. Comment on va me chercher les bonbons, monsieur? Je dis, ça ne m'intéresse pas, et tu pourras l'appeler, monsieur, ok? Oui, mais est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans une église, alors? Non, il est parti. Il sonnerait bizarre d'ailleurs quand il parle, monsieur. Hein. Oui, deux, trois fois, il hésitait un peu, mais c'était deux, hein, si ça peut le rassurer. Mais troisième, comme il insistait, on va l'appeler. Ah oui, bah oui. Rappelons-le, je suis quand même très déçu. Bah oui, moi aussi. Allez, hop, on y va. Dans une cabine d'essayage. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, je n'ai pas eu le temps de prendre votre réponse. Ben monsieur, mais t'as vu l'heure, monsieur? Oui, oui, je vois. Regarde l'heure, monsieur. Oui, je vois l'heure. Eh ben maman, je vais dodo, monsieur. Ah bah oui, mais maintenant qu'on est au téléphone, vous êtes levé, donc vous pouvez répondre à ma question. Mais quelqu'un sait, hein, monsieur, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Ben, je veux savoir si vous avez déjà fait l'amour dans une église. Eh, avec ta femme, j'ai fait l'amour. Dans une église? Ouais. Eh ben, c'est ta réponse. Eh ben voilà, il a fait sa réponse. Eh ben, c'est avec sa femme qu'il a fait la réponse. Très bien, avec l'amour, ma femme. Pardon. Avec, ah oui, avec ta femme, pardon. Bon, okay, bon, on rappellera pas, tout à l'heure. On rappellera tout à l'heure. Continuez à nous donner vos avis, évidemment, au 30-44. Et on écoute Beyoncé maintenant, Love and Tap. Pas mal d'endroits, hein, apparemment, où vous avez déjà fait l'amour dans les endroits insolites. Hein. Sur le palier de l'étage, alors que mon beau-père regardait la télé en bas, hein, sans porte. Ah ouais, sympa. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition également? Cinéma et oui pour l'église, avec une bonne sœur de préférence, mort de rire. Pauvre Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans un bus rempli de monde? Dans une cabine d'essayage également. C'est pas mal, à la gare aussi. Attends, hein. Faut m'expliquer comment tu fais ça dans un bus rempli de monde. C'est comme ceux qui le font au cinéma, je comprends pas. Ouais, bah, Au cinéma, ça va. Si, au cinéma, faut choisir la salle, quoi. Ouais, s'il y a pas trop de monde, t'es tout en haut, tu peux encore te permettre. Ok, mais un bus rempli de monde. Ouais, ça, j'avoue que comment je comprends pas très bien. Comment tu fais pour pas te faire jeter, hein, je sais pas. Parce que quelqu'un va quand même le remarquer. Je sais pas, oui, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai déjà supposé une fois qu'il y avait un couple à côté de moi qui le faisait. Ah ouais? Ouais. Et donc, si la fille, elle est en jupe, qui se met, tu vois, de manière un peu particulière, c'est possible. Effectivement, peut-être. À la gare, sinon, hein. Bon, faut pas déconner, jamais dans une église. Après, c'est sûr que tu peux pas faire des mouvements hyper flag, quoi. Bon, heureusement. Dans un parc public également. Et puis sinon, il y a le pilote aussi là, d'un avion, là, pilote d'une compagnie australienne. Qantas, ouais, qui a fait l'amour en plein dans la première classe. Il tranquillement, il était pépère, tranquille. Faut quoi. Plaisir. Mais oui, il a raison, bien sûr, évidemment. Il n'avait pas payé sa place d'ailleurs. Il n'avait pas payé sa place d'ailleurs, effectivement. Ouais. Bon, dans un instant, le son de Liquid sur Fun Radio. Avec I Follow Rivers sur Fun Radio, ça arrive juste après l'info et on remboursera vos factures également dans un instant. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Il est 7h02 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les accords s'enchaînent aux 16 rue de la Loi. Cette fois, ce sont les dossiers sur l'égalité des chances, la défense, l'Europe et l'international que les négociateurs ont bouclé. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice plus généralement. On avance à grands pas vers un accord final. Mais ces accords ne plaisent pas à tout le monde. Le groupe SNCB rejette le plan d'économie. Dans un courrier daté du 16 novembre au formateur Elio Di Rupo, le plan d'économie leur demandant un effort de 180 millions d'euros sur 3 ans. D'après eux, imposer des efforts au groupe mettrait à mal de grands projets comme le développement du système européen de sécurité, le RER ou encore les grandes gares. Le Tech Liège est le champion de la grève en 2011. C'est ce que rapporte ce matin la Libre Belgique sur base de statistiques compilées par la Société Régionale Wallonne du Transport. Au 1er novembre 2011, la province de Liège avait déjà connu 14 perturbations du réseau. En 2009, c'était le Tech Hainaut et le Tech Charleroi qui tenaient le haut du pavé. En ce qui concerne les statistiques annuelles complètes pour Liège-Verviers, eh bien, il faudra ajouter au minimum les grèves interprofessionnelles du vendredi 2 décembre prochain et l'action sociale prévue le 7 décembre en solidarité avec les travailleurs liégeois d'ArcelorMittal. Voilà une bonne nouvelle pour certains. Les contrôles de l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés débouchent davantage sur des remboursements que sur des recouvrements. 14 contrôleurs traquent les erreurs en Belgique et quelques 96 300 euros ont été récupérés. Mais des remboursements ont également eu lieu à hauteur de 328 135 €. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagne. Selon l'étude de Deloitte 2011, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux des fêtes de fin d'année. Les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté. Les Belges aussi prévoient de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. Et pour finir, le docteur Conrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson en juin 2009. Le juge a admis que le docteur Murray devrait aussi indemniser les enfants et les héritiers du chanteur, mais a indiqué que le montant serait décidé à une prochaine audience fixée au 23 janvier. 7h04 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui et les prochains jours? Eh bien, c'est plutôt une belle journée pour aujourd'hui, avec évidemment des passages nuageux, mais au moins le temps restera sec. Température entre 7 et 11 degrés cet après-midi. Demain, c'est tout le contraire, hein, de la pluie et des rafales de vent au programme. Quelle bonne nouvelle! Dans un instant, on appelle mail chez vous pour vous rembourser cash vos factures. Pour ce faire, c'est facile. Un petit SMS, vous l'envoyez au 6322. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on appelle chez vous pour vous rembourser vos factures. 119 euros pour un nouveau GSM, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? 35 euros pour une entrée à la fête du Boudin. Très sympa, ça. 85 euros pour Télénet, etc. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle chez vous dans 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. Et quelle est l'info en plus, Julie ? Eh bien, une grande société d'informatique interdit les mails. Ah bon ? Eh bien oui, ils ont décidé d'interdire les mails car pour eux, 90% de ces courriels, comme on l'appelle en français, constituent une perte de temps. C'est la société Atos qui emploie près de 80 000 personnes dans 42 pays qui interdit maintenant les mails. D'ici 18 mois, il y aura une suppression définitive. La compagnie souhaite que ses travailleurs privilégient la communication orale, que ce soit au téléphone ou en personne, tout en autorisant des messageries en temps réel, donc les chats. Parce que d'après une étude du patron de la société, eh bien la lecture des messages inutiles détériore la concentration, sans oublier qu'il faut 64 secondes pour que le cerveau parvienne à reprendre ses esprits après avoir lu un mail. Et pour le boss, 60 secondes ? Ouais, il faut au moins une minute pour que tu reprennes ta concentration après avoir lu un mail qui ne servait à rien. Et puis il ajoute aussi, donc, le boss, que c'est quand même 20 mails sur 200 qui sont importants. Ah ouais. Donc il se dit que 20 sur 200, mais autant on supprime tout. Moi, dans 18 mois. Je suis d'accord, revenons au fax, hein, envoyons des signaux de fumée. D'ailleurs, si vous voulez participer. Si vous voulez participer à la devinette qui colle, n'hésitez pas à envoyer un téléfax avec la bonne réponse. T'imagines la tonne de papier qu'on recevrait là. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est bizarre. Maintenant, les mails, on ne sait plus vivre sans ça au boulot. Et cette société a quand même décidé. Alors, c'est pas une société de 10 personnes. C'est quand même 80 000 personnes dans 42 pays. Et en informatique surtout. C'est ça qui est important. Donc, oui, ouais. Effectivement. C'est la technologie de l'information. Hein, c'est, ouais, bah, ils sont au taquet a priori à ce niveau-là. Ils sont bien au taquet. Donc, ouais. je trouve ça assez rigolo qu'ils osent comme ça prendre le pas et supprimer les mails. Et vous aussi, tiens, est-ce que vous arriveriez à vous passer du mail? Bah, évidemment. Bah non, moi je pourrais passer impossible. Ah non, ça doit être délicat quand même. Hein. Évidemment, j'en reviendrai au SMS puis on en parle plus. Ouais, non, mais attends, c'est ça. Bon, bah si vous avez envie de nous le dire, n'hésitez pas, 3044 pareil, ou alors sur le groupe Facebook ou sur le Twitter de l'émission où j'ai aussi posé la question par rapport aux endroits insolites où on fait l'amour. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et Mickaël officiel, on compte sur vous juste après le son de Likili sur Fun Radio. On appellera chez vous, c'est-à-dire dans 2 minutes 20, on appelle chez vous en direct pour vous poser une petite question. Quelle radio ? Qui paye les factures le matin ? Si vous répondez Mickaël ou Fun Radio, c'est gagné. On rembourse votre facture pour jouer. 6322, code facture. Bonne chance. 7h10 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Je vous rappelle que demain, on sera en direct de Tournai. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Ce sera au 18 rue Royale à Tournai. On sera à la boulangerie Vienne. On fera l'émission en direct de la boulangerie. Puisque la boulangerie ne vient pas à nous, nous irons à la boulangerie. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et on paye vos factures, effectivement, ouais, tous les matins sur Fun Radio, avec vos messages qui arrivent évidemment en direct au 6322 avec le code facture. Si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit SMS au 6322 en débutant le message par facture. On vous appelle en direct si vous répondez correctement à la question, c'est-à-dire qui paye vos factures le matin, vous repartez avec le remboursement intégral de la facture. Allez, c'est parti, on y va, on appelle je ne sais pas où, mais on va rembourser 35 euros pour une... Oh, c'est très charmant. Dis-moi. Tu verras, surprise. J'ai peur. Mais non, ça va être bien. Ouais, bon, si ça décroche. Ça va... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Salut. Qui paye les factures le matin ? Ah, c'est Miguel sur Fun Radio. Eh oui ! C'est la petite voix du réveil. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aurélie. Oh, dis donc Aurélie. Et je suis dans mon lit. Et je suis dans mon lit. Dans mon lit. Complètement endormie encore. Non, bon. Non, non, je me réveille, ça va. Ah, d'accord, ok. Aurélie, t'as quel âge ? T'es dans quelle ville ? J'ai 22 ans, je suis à Herve. Tu as Herve, d'accord, ok, très bien. Bon, alors Aurélie, tu voulais qu'on te rembourse 35 euros, certes, mais pourquoi ? C'est pour aller à une soirée oui, un peu spéciale. Mais quelle soirée ? C'est une soirée qu'on fait avec la faculté de médecine vétérinaire. Oui, mais comment s'appelle cette soirée ? J'aime beaucoup les soirées de faculté. La soirée du boudin. Mais oui. La soirée du boudin. Mais alors, est-ce que c'est en rapport à la qualité de la fille qui sera là-bas ou avec oui, la bouffe ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que des non, boudins. Non, c'est la nourriture. Ah, c'est la nourriture. D'accord, qui okay, est très bien. Non, mais je vous pose la question, mais tu pas vois. On bien ce qu'on mange. Hein, donc en fait, l'un dans l'autre. Oui, ouais. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est spécial gros et moche. Bon, ben Aurélie. Eh bien, écoute, y a pas de problème. On va donc te rembourser ça, 35 euros. Ça va arriver à Herve rapidos, d'accord ? C'est quand même dur. Hein, et donc, tu dois te déguiser en boudin ou comment ça se passe ? Boudin, oui. Non, non, en robe. Ah, en robe, d'accord. Écoute, va venir. Hein. Bah, moi, je viens. Non, mais les soirées. En plus, boudin, ça lui va tellement bien. Non, non, les soirées infirmières, vétérinaires, c'est. Ah ouais, c'est bien. Et les soirées boudin. Non, enfin, c'est pas bien, mais au moins, t'es sûr que tu pécho à la fin, quoi. Ouais, et les soirées boudin. Ah, c'est les plus désespérés. Ouais, ah, c'est ça. Les soirées boudin, oui, c'est bien aussi. Ah, alors. D'accord. Ouais, bon, bah, voilà. Je rappelle toujours que c'est celles qui font le mieux l'amour, hein. Je crois que c'est la dernière fois. Merci, Toff. Bon, en même temps, c'est bizarre, hein, pour toi. Bon, Aurélie, en tout cas, bravo à toi, tu retournes au standard. On va te reprendre dans un petit instant pour prendre tes coordonnées, d'accord? D'accord, merci. Je te fais des bisous, à bientôt. Merci, à bientôt. Oui. Salut, salut. Et puis les autres, si vous voulez, vous aussi, qu'on vous rembourse votre facture. 6322, code facture. Et c'est Katy Perry maintenant. C'était Katy Perry sur Fun Radio, 7h16, et c'est l'horoscope maintenant. Fun Radio, l'horoscope. L'horoscope, comme chaque matin sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. Et comme vous l'attendez tous, même si vous n'êtes pas cancer, quel sera le signe de Julie dans un instant? Bon, mauvais, nous verrons dans un instant. Doudou, vous avez passé une bonne nuit? Ouh là là là là là, non, j'ai la tête qui tourne là. On dirait que j'ai mes yeux qui se déplacent tout seuls. Vous avez encore fait la fête toute la nuit avec toutes les maris de la Terre? Ah non, pas du tout. Il y avait juste Marie-Angélique, Marie Fabienne. Oui, on se doute aussi que vous avez beaucoup bu, évidemment. Oh, tout est relatif, ça commence à combien beaucoup? Bah, voir votre tête, ça fait bien longtemps, à mon avis, que vous avez dépassé la barre du beaucoup. Hein. Bon, allez, on va faire l'horoscope. Il sera peut-être un peu bancal, mais c'est pas grave. Ah oui, oh là là là. Commençons par les béliers. Oh, alors c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée sous tous les toits. Vos adversaires en profitent, ouais. Les taureaux. Des nouvelles idées et possibilités financières pourraient s'offrir à vous. Les Gémeaux. Repoussez vos rendez-vous financiers à plus tard. En ce moment, vous n'avez pas de chance. Les cancers. Ayez votre santé plus à l'œil et acceptez les blagues de vos collègues. Les lions. Un flirt pourrait vous rendre cette journée agréable et vous libérer de vos idées noires. Les vierges. Vous êtes dans une période grandiose et vous êtes gagnant dans presque tous les domaines. Les balances. N'oubliez pas que vous allez bien et que vous n'avez aucun problème. Alors continuez comme ça. Les scorpions. Les prochains jours seront pleins d'harmonie et d'amour. Les sagittaires. Concentrez-vous aujourd'hui sur les bons côtés de la vie. Les capricornes. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Les Verseaux. Allez de l'avant, ne traînez pas au lit aujourd'hui. Et puis les poissons pour terminer. Grâce à votre travail, vous avez pu défendre votre position professionnelle des attaques. Alors maintenant, vous n'êtes plus en danger. Bon, bah c'est la bonne nouvelle. Très bien. Doudou, on vous retrouve dans une heure. Allez vous reposer. Hein. Ah oui, oh là là là, ma tête. Prenez le cassez air. Hein. Un alki? Oui, enfin, c'est un petit médoc là, quand on a une gueule de bois. Ah bon, ça pourra vous aider, ça pourra vous aider. Vous êtes sûr? Parce que sinon j'ai ma potion. Hein. Oui, bah prenez votre potion, alors ce sera parfait. Bon, Doudou, à tout à l'heure. Oui, d'accord. Et dernière fois, je vous rappelle la petite devinette qui colle. C'est une région française. La ville a le sien. Commercial, on y fait ses achats. Et d'accueil, il nous informe qui est-il, si vous avez la bonne réponse. 6322, vous débutez le message avec la réponse, tout simplement. Et vous repartirez peut-être dans 3 minutes après le son de David Guetta et Usher avec un nouvel écran plat. Bonne chance tout le monde. 7h19 sur Fun Radio. Il y a Coldplay qui arrivera aussi, puis l'info de Julie, c'est dans 10 minutes, l'info et la météo sur Fun Radio. 7h21 sur Fun Radio, il y a Coldplay qui arrive dans un instant avec Paradise. Nous aurons également la réponse à la devinette qui colle. Ce sera dans quelques instants pour repartir avec votre écran plat. Et puis tout à l'heure, nous aurons aussi les tablettes numériques, les Lenko, les BT811 qui seront à gagner. Donc si jamais vous voulez gagner ça, il y aura bien sûr un petit invité mystère. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et hier soir, je ne sais pas si vous avez la chaîne, si vous avez le satellite ou quoi, mais c'était sur NT1. Il y avait une émission improbable sur les célibataires. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous, hein, mais si vous avez jamais vu, chercher sur internet, ça vaut le détour. Alors pour résumer l'émission, on suit donc 4 célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Pourtant, ça partait quand même relativement bien. Moi, je pense qu'une femme, il faut la traiter comme une rose, il faut la traiter avec de l'attention et il faut l'arroser. Pour moi, c'est un travail de tous les jours. Oh, c'est mignon. Mais oui, il a tout compris. Mais bon, ça se complique évidemment un petit peu quand il faut aller sur le dance floor. J'aimerais bien danser, mais le problème, c'est que je sais pas danser. Je connais pas les mouvements, les chorégraphies, ni rien. C'est tout le problème. Mais oui, c'est tout le problème. Ouais. T'es déjà sorti avec un mec qui savait pas danser Enfin, avec qui tu proposais de danser et que le mec, en fait, c'était juste un bâton. Attends, 9 fois sur 10, les mecs ne savent pas danser. Hein. C'est faux, je suis un super bon danseur. Si 9 fois sur 10, vous ne savez pas danser. C'est bien connu, hein, les blancs ne savent pas danser. Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors, forcément, s'il ne connaît pas les pas, évidemment. Bon, et ce Frédéric, c'est un mec qui a eu de la chance parce qu'il a quand même tout vécu la même année et ça, c'est beau. Par ordre chronologique, j'ai eu ma première relation sexuelle. j'ai eu mon permis et j'ai eu mon bac. Wow. Tout ça la même année. Tout ça la même année. C'est bien. Pas mal. Incroyable. C'est pas mal. C'est pas mal. Quel talent quand même. Hein. Oh là là, non, là, non, là. Non, franchement, il force, mec. Ah ouais. Très, très fort, ouais. Ah ouais, non, mais c'est beau quand même. Alors, évidemment, dit comme ça, on peut se dire, on pense qu'il a tout fait ça la même année. Donc, ça réto, donc vers 18 ans, ou 19 plutôt. Hein. Donc, forcément, on sait pas exactement 18 ou 19. Tout ça la même année. Bien. Pour mes 22 ans. Eh oui. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. 22 ans, donc il est légèrement en retard. Tout de suite, là, ça perd un peu de son charme. C'est ça, c'est ça. Bon, il avait un peu trop tard, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, rien ne sert de courir, c'est bien connu. Non, mais c'est vrai. C'est ça, rien ne sert de courir. Et pour finir sur cette grande émission, vous allez fermer les yeux sur tous ceux au volant. Non, j'imagine, je plaisante bien sûr. Vous imaginez une grande blague d'1m80, musclée, tatouée de partout avec une crête. Vous la visualisez bien, hein. Ça va, comme ça, très bien, balèze, ouais, tout ça. Alors maintenant, écoutez bien. Elle va vous parler. Quelqu'un qui sent pas, qui sent pas du tout, qui transpire pas, qui a pas de poids, qui fait 1m90, hein, qui est quand même bien monté, qui se tête des fois, qui ne fait pas de crâner devant ses copains. Voilà. Voilà. Moi j'ai envie de dire que je comprends pourquoi est-ce qu'elle est célibataire. Oui, ouais, ouais, mais je crois que je comprends pourquoi ils sont tous célibataires. Hein. Je pense qu'il n'y a plus c'est rien à dire. C'est énorme cette émission. Comment ça s'appelle ça. Bah, c'est une grande émission, donc c'est sur NT1 et ça s'appelle comment ça s'appelle encore, j'ai oublié. Non, non. Mais ça s'appelle Tous différents. Oui, Tous différents. Voilà, c'est ça. Ouais. Tous différents. Grande émission. Voilà, si je peux vous la conseiller, n'hésitez pas. Hein. Vous allez sur internet si jamais vous n'avez pas la parabole, on sait jamais. Voilà. Et puis vous nous en direz des nouvelles, bien évidemment, on compte sur vous. Allez, on va s'écouter le son de Coldplay maintenant, comme promis à 7h24. Juste après, on prendra évidemment le gagnant ou la gagnante. Il est plutôt pas mal, le dernier son de Coldplay à l'instant avec Paradise sur Fun Radio, 7h26. Et nous allons accueillir maintenant Sarah qui est avec nous. Bonjour Sarah, comment ça va ? Bonjour, merci. Bon, bienvenue à toi Sarah, tu nous appelles de Huy, tu as 25 ans et tu as la réponse à la devinette qui colle. C'est une région française, la ville a le sien commercial, on y fait ses achats et d'accueil, il nous informe, qui est-il ? Le centre. Eh ben oui, le centre, c'est une bonne réponse, bravo à toi Sarah, ça te permet de repartir avec un écran plat Sarah. Super, c'est génial, merci beaucoup. Mais je t'en prie, je te fais des gros bisous, à très bientôt Sarah. Merci, à bientôt, bonne journée. Salut Sarah, reste au standard, on prend tes coordonnées. Et puis les autres, il y aura un écran plat à gagner d'ici quelques minutes avec une nouvelle devinette qui colle. Si jamais vous avez envie de nous de jouer avec nous, bah restez bien là. On aura aussi un petit invité mystère à découvrir tout à l'heure. L'info de Julie arrive aussi dans un instant. Pareil avec Ina et Juan Magan. Ce sera Un Momento sur Fun Radio. Ne bougez pas. Nickel à la radio, revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde, 7h31, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les accords s'enchaînent aux 16 rue de la Loi. Cette fois, ce sont les dossiers sur l'égalité des chances, la défense, l'Europe et l'international que les négociateurs ont bouclé. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice plus généralement. On avance à grands pas vers un accord final, mais ces accords ne plaisent pas à tout le monde. Le groupe SNCB rejette le plan d'économie du formateur Elio Di dans un courrier daté du 16 novembre. Ce plan d'économie leur demandant un effort de 180 millions d'euros sur 3 ans. D'après eux, imposer des efforts au groupe mettrait à mal de grands projets comme le déploiement du système européen de sécurité, le RER ou encore les grandes gares. Le Tech Liège, lui, est le champion de la grève en 2011. C'est ce que rapporte ce matin la Libre Belgique sur base de statistiques compilées par la Société Régionale Wallonne du Transport. Au 1er novembre 2011, la province de Liège avait déjà totalisé pour l'année 14 perturbations du réseau. En 2009, c'était le Tech Hainaut et le Tech Charleroi qui tenaient le haut du pavé. En ce qui concerne les statistiques annuelles complètes pour Liège-Verviers, il faudra ajouter au minimum les grèves interprofessionnelles du vendredi 2 décembre prochain et l'action sociale prévue le 7 décembre en solidarité avec les travailleurs liégeois d'ArcelorMittal. Voilà une bonne nouvelle pour certains. Les contrôles de l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés débouchent davantage sur des remboursements que sur des recouvrements. 14 contrôleurs traquent les erreurs en Belgique. Quelques 96 300 euros ont ainsi été récupérés, mais des remboursements ont également eu lieu à hauteur de cette fois 328 000 euros 135. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagne. Selon une étude de Deloitte 2011, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux de fête de fin d'année. Les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté et les Belges prévoient aussi de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. Et pour finir, le docteur Conrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson en juin 2009. Le juge a admis que le docteur Murray devrait indemniser les enfants et les héritiers du chanteur, mais a indiqué que le montant serait décidé à une prochaine audience fixée au 23 janvier prochain. Et ça pourrait aller jusqu'à 100 millions de dollars. Ils sont fous, ces requins. Enfin, bon, en même temps, il était payé par mois, le médecin, mais des centaines milliers d'euros. Hein. Ouais, non, ça, bien sûr, mais enfin, quand même. Oui, 7h34 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Ina qui arrive avec Juan Magan et Un Momento. Nouvelle devinette qui colle également. Et puis la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui? C'est plutôt une belle journée aujourd'hui, avec évidemment encore des passages nuageux, mais au moins le temps restera sec. Température entre 7 et 11 degrés cet après-midi. Demain, tout le contraire, de la pluie et du vent au programme. En même temps, ce sera le 1er décembre. Je pense qu'à un moment, il faut qu'il commence à faire dégueulasse. Hein. C'est normal. Mais vraiment bien, quoi. Bon, 7h34 sur Fun Radio. Et puis dans quelques instants aussi, je vous annonce la nouvelle devinette qui colle, qui vous permettra de repartir avec un écran plat. Allez, bonne chance tout le monde d'avance. Et l'info en plus d'abord. Quelle est l'info en plus? Alors, j'en avais parlé au mois d'août, mais ça y est, la décision est confirmée par la cour d'appel de la ville d'Aix-en-Provence en France. En fait, un tribunal français donc a condamné un homme à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à son ex-femme pour n'avoir pas respecté. Ah oui, j'ai entendu ça, c'est bon ça. Ses devoirs d'époux en matière de relations sexuelles. Donc en bref, l'homme n'a pas voulu coucher avec sa femme. Du coup, sa femme, eh bien, après le divorce, elle a demandé carrément des dommages et intérêts. Mais elle a raison. Elle a obtenu 10 000 euros. Enfin, c'est pas mal. Hein. La décision était tombée déjà au mois d'août, mais là, ça a été donc confirmé. Donc c'est sûr, elle aura ses 10 000 euros. Alors les deux anciens amoureux, tous les deux âgés de 51 ans, ils s'étaient mariés en 1986. Ils avaient eu deux enfants. Ils avaient divorcé en janvier 2009. Et ben là, l'épouse, elle avait déclaré avoir souffert de ne pas avoir eu de relation sexuelle. Et donc, elle avait demandé à être dédommagée. Effectivement, la cour a rejeté l'argument du mari qui disait qu'il avait des problèmes de santé, beaucoup de boulot. Non. Les attentes de la femme étaient légitimes dans le sens où les relations sexuelles entre personnes mariées sont une expression de leur affection mutuelle. Tout à et fait. Font partie des mignon. Droits et des ben devoirs oui. des époux et des épouses, a ajouté la cour. Donc voilà, je pense que ça va donner des idées à pas mal de monde. Ah ouais. Bon, après, vous n'êtes pas sûr de gagner 10 000 euros à chaque fois, mais bon, pourquoi pas, ça a le mérite de c'est quand même assez impressionnant parce que bon, c'est ça le mérite d'exister. Ouais. C'est, mais ça va être bien, tu sais, quand la meuf va faire la migraine. Attention, je vais aller voir le juge. Ouais, c'est vrai, ouais, ça peut être un bon plan. Bon, allez, 63-22, si vous avez la bonne réponse à la nouvelle devinette qui colle, écoutez bien. Il aime à être montré et suivi et limité et toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui est-il? Il y en a souvent dans des exercices de maths à l'école. En général, quand on vous dit qu'il faut faire ça, bah, on vous montre d'abord comment faire, en fait, au final. C'est un peu le concept. Si vous avez la bonne réponse, donc qui est-il? Je répète, il aime à être montré et suivi et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Et vous repartirez peut-être avec un écran plat qu'on vous file ce matin. Il y aura la tablette numérique Lenko également qu'on vous offrira. Ça sera un petit peu plus tard. Restez bien sur Fun Radio et on écoute le son de Ina maintenant et Juan Magan qui a excellé sur la piste du Starfloor. C'était ce week-end sur Fun Radio. 7h39 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Comme tous les matins, nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous. Demain, on sera en direct aussi, mais pas de la radio. On sera en direct de tournée, puisque nous irons à la boulangerie Vienne. Bah oui, parce que comme la boulangerie vient pas à nous, bah on a décidé d'aller à la boulangerie directement. Hein. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, d'habitude, je paye mes factures. Je le ferai encore demain. Mais en plus de ça, je paierai mon petit-déj pour ceux qui viennent nous voir. Donc au 18 rue Royale à Tournai, c'est la boulangerie Vienne. On vous attend nombreux. Nombreuses, évidemment. Bon, je répète que nombreuses, la petite. Que nombreuses, ça me... Je me doute. Je vous répète la petite devinette qui colle. Il aime à être montré et suivi, et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui est-il? On proposait la leçon. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Si le procédé non plus, c'est un problème. Oui, c'est vrai que c'est un problème, mais il faut trouver la réponse. C'est pas la bonne réponse en l'occurrence. Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas un professeur non plus. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une erreur non plus, si ce n'est pas le doigt. Voilà, c'est ce qui est arrivé en règle générale comme réponse. Comme je l'ai dit, en général, ça se trouve dans un... voilà, quand on a un exercice de maths à faire, ben on montre toujours comment faire. On montre un... Je sais pas moi... Et il faut montrer le bon aux enfants. Il faut, oui, exactement, il faut montrer le bon. Et puis parfois, quand on punit quelqu'un, c'est pour le montrer... aux autres. Voilà, pour leur montrer que si jamais ils font ça, bah, ils vont prendre pareil. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message et il y a un écran plat à gagner d'ici quelques instants. Bonne chance. Et dans un instant également, nous vous parlerons de l'infotrafic. Et il y aura aussi le son des Cobra Starship. You Make Me Feel sur Fun Radio. Bon réveil, 7h40. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Il est 7h45. Fun Radio. 7h45 donc, et c'est l'heure de l'infotrafic. Qu'est-ce qu'il se passe sur les routes? Soyez prudents, il y a un chantier entre Courrières et Eptine sur la Nationale 4 Bruxelles en direction du Luxembourg. La bande de gauche est obstruée, il y a forcément la formation de fils qui sont possibles. Chantier jusqu'à vendredi. Et puis camion en ciseaux dans l'échangeur E420 Nivelles en direction de Charleroi avec le 42 Mons en direction de Namur-Liège à hauteur de Timéon. La bretelle de l'échangeur est fermée. Et c'est au kilomètre, on ne me le situe pas, donc c'est dans l'échangeur, donc ça j'imagine que... Voilà, je croyais que t'allais dire, et c'est le bordel, probablement ça doit l'être. Le passage est difficile. Ça doit l'être, effectivement. Bon, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, bah, n'hésitez pas à faire jouer la Fun Solidarité. Vous nous envoyez un petit SMS au 3044, c'est 50 centimes le message, ou gratuitement en me faisant un mail, mikl@funradio.be. Dans un instant, la ligne anti-relou, mais avant cela, évidemment, le son de Cobra Starship, son que vous avez découvert sur Fun Radio, c'est You Make Me Feel sur Fun. C'est Funda qui arrive dans un instant avec Stand Up sur Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Évidemment, la ligne anti-relou qui est là comme chaque matin sur Fun Radio à 7h-10, 8h-10, 9h-10. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, bien évidemment, rien que pour vous. Le 0-473, et grâce à vous, 0-473-86-00-13. Pour se faire, c'est facile. En gros, si vous connaissez des relous, n'hésitez pas à leur donner le numéro de téléphone, ça peut être pratique, mais c'est surtout si vous rencontrez des relous, que ce soit dans un bar, en boîte, dans un resto, ou même un collègue, éventuellement quelqu'un au travail, bref, n'importe qui serait susceptible de vous prendre la tête ou qui vous prendrait la tête, donnez-lui le numéro. Bon, vous faites style, c'est facile, hein, vous faites style, ah écoute, j'ai vraiment pas le temps maintenant, mais je te donne mon numéro de téléphone, rappelle-moi vraiment, je compte dessus, hein, j'attends ton appel, merci beaucoup. Donc le mec, il va être persuadé d'avoir fait l'affaire du siècle, et donc forcément, va vous rappeler en étant relou, c'est normal, c'est un petit peu dans sa nature. Et nous, tous les matins, à 7h-10, 8h-10 et 9h-10, on écoute les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, comme celui-là, le premier. Écoutez. Bonsoir madame, je vous appelais parce que vous avez rencontré ma belle-mère aujourd'hui et vous lui avez parlé d'une maison à louer qui m'intéresserait en fait. Voilà, ben, j'attends votre appel dès que vous savez. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. On ne sait pas en quoi il est relou. Bah non, c'est pas très sympa, il veut juste avoir un toit. Bah c'est ça, il veut surtout, ouais, il veut faire une petite location quoi, mais ou alors le mec était relou et tu sais genre oui mais la maison, non mais je voudrais la maison, mais vous la faites à combien? Ah, oui, 500 peut-être. Euros par... oui, je vous donne 200, ouais. Allez, vraiment je vous donne, tu sais, le je relou dans ce point là, ouais, c'est possible aussi, ouais. Allez, message suivant. Bon, allô, c'est encore Maxence, jardinier. Bah, je suis à la soirée de Saint-Éloi et on m'avait dit que tu serais là. De l'eau. T'as un empêchement peut-être. Allez, te faire un gros bisou. Oui. Ouais. Sonne-moi, on t'attend. Salut. Ah oui, salut. Alors, c'est un ch'ti ça, non? Moi j'ai une question. Est-ce qu'il fait semblant de parler comme ça ou est-ce que réellement il parle comme ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'on parle comme ça, tu vois, du côté de Tournée, tu vois. Comme si le. Vas-y, la gorge elle était serrée. Bah oui, d'ailleurs demain on sera vers Tournée, tu vois, à la boulangerie là. On parle comme ça pendant toute l'émission, non? Ouais, voilà, on va parler comme ça, ouais, exactement. Ça va être compliqué, quand même. Ça va être bien, vous allez voir. Donc demain on sera à Tournée, ouais, 18 rue Royale à la boulangerie Vienne, on vous attend nombreux et donc je paierai mes factures comme d'hab et en plus de ça je paierai mon petit déj. Allez, dernier message pour ce matin. Enfin, pour ce tour-ci. Coucou François, c'est Vanessa. J'ai dit que tu serais avec Adrien parce qu'il devait venir chez moi. Et donc, ben, vu qu'il n'est pas là, ben, ça me fait chier. Donc, si tu savais quand tu allumeras ton GSM, bien sûr, lui dire que je l'attends toujours. Merci, c'est sympa. Coucou, au revoir. Elle a dû avoir une absence sur le coucou, au revoir. Oh merde, je suis à la fin de mon message. Mon Dieu, je pensais que j'étais au début. Alors moi, je me demande un peu pourquoi cette voix. Mais je, bah alors peut-être voilà, que la mais même pas muée, si parce que t'es une fille. Je lui pose la question. Bah peut-être qu'il s'est dit, bon, celle-là, je la fais à moitié, parce que bon, à un moment, elle m'a saoulé, quoi. C'est peut-être là. Il était peut-être 17h, tu vois, 16h59, il a pas eu le temps de la terminer, il l'avait déjà commencé. Bon, bah voilà, il a dû se dire, on arrête à cet endroit-là, quoi. Bon, la ligne anti-relou revient dans moins d'une heure sur Fun Radio. Restez bien là, et puis on va faire les appels aussi dans un instant pour faire chier le monde à propos d'un sondage sur les endroits insolites où vous avez déjà fait l'amour. D'ailleurs, je vous pose la question, 3044 par SMS, dites-nous dans quels endroits vous avez déjà fait l'amour, les endroits insolites. On en parle dans un instant et Tov va appeler des gens pour leur poser la question exactement. 7h52 sur Fun Radio, bon réveil, c'est mercredi, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et la belle Funda qu'on écoute maintenant, c'est Stand Up sur Fun Radio, bon réveil. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Il est 7h54. Nous allons emmerder le monde évidemment. Je vous avais demandé tout à l'heure si vous aviez déjà fait l'amour dans des endroits insolites. On va dire ça comme ça. On a reçu pas mal de messages qui sont arrivés d'ailleurs sur les SMS au 3044. Alors quand t'es chauffeur de bus au terminus, bien tranquille. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Ça doit être bien parce que c'est grand un bus. Ah oui, pour le coup c'est grand effectivement. Bonjour, je m'appelle Baudry. Moi j'ai fait l'amour dans un champ de blé bord de rire. Oui, pourquoi pas. Moi dans un ciné d'ailleurs, Julie pour le ciné, je peux te montrer comment on fait. Chouchou ne sait peut-être pas. Ah bah ça je ne sais pas. Hein. Je fais l'amour dans les toilettes du Lindbergh à Couvain et aussi sur un banc au bord du Belvédère d'Arlon. C'est Codo de la Louvière. Bonjour, je m'appelle Mickaël et comme endroit insolite, j'ai fait l'amour dans un char. Ah oui, ça c'est insolite effectivement. Ouais. Sinon les toilettes d'une école primaire. Ça doit pas être pratique. Oui, ça doit pas être pratique du tout effectivement. Je te confirme. Bon, et ben on va appeler des gens encore. Tof, là c'est reparti. Ouais, juste pour donner les chiffres. Donc c'est 80% qui l'ont déjà fait dans leur voiture, donc forcément garé à l'extérieur, hein, pas dans le garage chez eux. Ouais, ouais. 55% dans les bois, 44% dans les parcs, 22% dans les toilettes publiques, bars, restaurants, etc. 7% dans un avion. Ah, je suis dedans donc. Ouais, et donc 5% à l'église et ça je ne comprends pas. Non, ça c'est mal, c'est très mal. Attends, comment tu l'as fait dans un avion, Mickaël ? Bah en pleine nuit, dans un vol long courrier. Mais c'est ça. Ça me dépasse. Il y a d'office des gens qui sont réveillés à côté mais de toi. Mais bien sûr, il y a bien sûr chacun leur vie. Chacun leur vie. Moi, j'ai demandé une petite pièce et puis voilà, ils ont regardé le spectacle. Puis, ils sont démerdés. En fait, les gens ils mettaient des pièces et ils levaient ou pas la couverture. C'est ça. C'est horrible. Bon, allez, on appelle à Cour Saint-Etienne. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Direction Cour Saint-Etienne maintenant. Moi, si je peux rendre service. Bien sûr. Faire de l'argent surtout. Allô. Oui, bonjour madame. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que il y a 5% des gens qui ont déjà eu des rapports sexuels dans une église. Et je voulais savoir si ça vous était arrivé. Mais monsieur, vous dérangez les gens pour des conneries pareilles. Foutez-moi la paix. Voilà, bon, Cour Saint-Etienne apparemment au bon accueil. Bonjour. Bon, on va rappeler, hein. Très sympa. Très gentil. Vous êtes qui ? Déjà, oui, bonjour. Vous êtes qui ? Ok, hein. Merci. Reste calme, hein. Allez, on rappelle. Oui, donc j'en déduis que vous n'avez jamais fait l'amour dans une église. Et vous l'avez déjà fait ? Bah, non, moi je trouve ça assez choquant, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Eh ben alors, moi je n'ai pas besoin qu'on me téléphone pour des conneries pareilles. Mais c'est pas une connerie, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le feriez dans une église ? Je ne pense rien du tout, j'ai 73 ans et je suis vieille. Oui, bah oui, dans l'absolu, il a raison. Et je suis vieille. Bon, allez, on le rappelle encore une dernière fois. J'ai déjà fait l'amour dans un corbillard, mon Dieu. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Pendant l'enterrement ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, allô ? On va finir. Mais, excusez-moi, j'étais au téléphone... Vous êtes imbécile. Mais, j'étais au téléphone avec votre femme, et je lui demandais ce qu'elle pensait des gens qui avaient déjà eu des rapports sexuels dans une église. Et elle m'a pas vraiment... Vous êtes imbécile. Ah ben voilà, imbécile. Imbécile. Bon ben, ça finit maintenant. Hein. Bon, ah ben on va rappeler tout à l'heure. Continuez à nous donner vos avis là. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans les endroits insolites ? On en parle d'ici quelques instants et on lit tous vos messages. 7h58, l'info de Julie arrive et Robert Abigail maintenant sur Fun Radio. Bonjour et bon réveil sur Fun Radio, il est 8h, l'info arrive dans un instant avec Julie, je vous rappellerai la devinette qui colle et on vous remboursera vos factures aussi dans moins de 10 minutes. Si vous voulez vous inscrire pour avoir une chance qu'on vous rembourse votre facture cash, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, bonne chance. Et ce qui arrive aussi dans un instant, le son de Tayo Cruz avec Hangover sur Fun Radio, bon réveil. Il est 8h01 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les accords s'enchaînent au 16 rue de la Loi. Les négociateurs des six partis se sont mis d'accord sur une série d'objectifs à atteindre. Parmi eux, faire sortir de la pauvreté près de 400 000 personnes, harmoniser les statuts d'ouvriers et d'employés d'ici 2013. Sur la défense, pour des raisons budgétaires, l'armée sera réduite à 30 000 militaires et 2 000 civils dans les 3 ans. Et puis le futur gouvernement veut réduire l'écart salarial entre hommes et femmes. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice plus généralement. Mais ces accords ne plaisent pas à tout le monde. Le groupe SNCB rejette le plan d'économie du formateur Élodie Rupo. Dans un courrier daté du 16 novembre, ce plan d'économie leur demandant un effort de 180 millions d'euros sur 3 ans. D'après eux, imposer des efforts au groupe mettrait à mal de grands projets comme le déploiement du système européen de sécurité, le RER ou encore les grandes gares. Le Tech Liège est le champion de la grève en 2011. C'est ce que rapporte ce matin la Libre Belgique sur base de statistiques compilées par la Société Régionale Wallonne du Transport. Au 1er novembre 2011, la province de Liège avait déjà connu 14 perturbations du réseau. En ce qui concerne les statistiques annuelles complètes pour Liège-Verviers, il faudra ajouter au minimum les grèves interprofessionnelles du 2 décembre prochain et l'action sociale prévue le 7 décembre en solidarité avec les travailleurs liégeois d'ArcelorMittal. Dès demain, la consultation médicale sera à 1 euro pour les plus démunis. Les bénéficiaires disposant d'un régime préférentiel et d'un dossier médical global ne payeront plus qu'un euro. L'intervention personnelle dans les honoraires de consultation du médecin généraliste, c'est le médecin qui fait ensuite les démarches auprès des mutuelles pour obtenir le paiement complet de sa consultation. L'assurance prend tout en charge. Voilà une bonne nouvelle pour certains. Les contrôles de l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés débouchent davantage sur des remboursements que sur des recouvrements. 14 contrôleurs traquent les erreurs en Belgique et quelques 96 300 euros ont été récupérés. Mais des remboursements ont également eu lieu à hauteur de 328 000 euros. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagnent. Selon l'étude de Deloitte 2011, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux de fête de fin d'année. Les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté. Et puis les Belges prévoient de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. N'offrez rien, c'est tellement plus simple. Pas de prise de tête comme ça. Oui, soyez radin comme Michael. Non, ça n'a rien à voir, c'est plus facile. Et puis pour finir, en bref, le docteur Conrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson en juin 2009. Et il risque 100 millions. Il pourrait effectivement donner des dommages et intérêts, indemniser les enfants et les héritiers du chanteur, mais le montant sera décidé le 23 janvier. Ouais. Eh ben on verra ça, j'attends avec impatience. 8h04 sur Fun Radio, je vous rembourse vos factures dans un instant et je vous explique comment ça marche dans 30 secondes. D'abord la météo. C'est plutôt une belle journée aujourd'hui avec des passages nuageux encore, mais au moins le temps restera sec. Température cet après-midi de 7 à 11 degrés. Demain, tout le contraire, de la pluie et des rafales de vent au programme. En même temps, début décembre, je pense qu'il est temps que le temps devienne un peu dégueulasse. Ça paraît un peu logique au final. Ouais, comme ça on remet les choses un peu. Bah ouais. L'explication des factures dans 30 secondes maintenant. Ne bougez pas de là, on revient après ça. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h05, je vous explique comme promis comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Un jeu d'enfant, votre message, vous l'envoyez au 6322, c'est simple. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et si vous avez, si vous êtes tiré au sort, tout simplement, là, d'ici 5 minutes, on vous appelle et on vous rembourse votre facture cash. Voilà, donc 6322, c'est 1€ le message. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Quelle est l'info en plus? Eh bien, une des plus grandes sociétés de technologie de l'information a décidé d'interdire les mails. Mais ils sont complètement... C'est la société Atos, oui, qui est un petit peu barrée, qui emploie quand même 80 000 personnes dans 42 pays. Donc, c'est pas la petite société. Ouais, c'est ça, c'est une belle société. De 10 employés. Bah, donc, ils ont décidé d'interdire les mails, car les emails, 90% d'entre eux, constituent une perte de temps pour le patron. Donc, dans 18 mois, les emails seront supprimés définitivement. La compagnie souhaite que ses travailleurs privilégient la communication orale, que ce soit au téléphone ou en personne, mais elle autorise quand même les chats, donc les messageries en temps réel. Oh, bon, ça va, on n'a pas tout perdu. Alors en fait, le patron, il explique que seuls 20 mails sur 200 révèle d'une importance. Donc ils sont importants, donc il se dit sur 20, sur 200, ça ne sert à rien, je vais tous les supprimer parce que selon une étude, la lecture d'un mail inutile détériore la concentration et donc du coup il nous faut 64 secondes pour que le cerveau parvienne à reprendre ses esprits et à se reconcentrer. Donc un peu plus d'une minute. Donc voilà, le boss il s'est dit ok, bah si c'est comme ça, moi je supprime tous les mails. Mais Facebook il a laissé ouvert, je parais, tu vas voir, CEO. Ah, ça c'est possible. Non, c'est ça, parce que là pour le coup il n'y a pas de problème. Oh là là, bah dis donc, comme ça t'es tranquille. Mais je pense qu'il y a une étude qui est en train de se faire en France sur combien perdent les entreprises à cause de Facebook. Non, mais ça doit être une fortune. On attend de voir les chiffres qui vont tomber. Ah, mais ça c'est évident. Ouais, ça va faire mal. C'est clair. Bon, il est 8h07 sur Fun Radio. Dans un instant, le remboursement de vos factures, comme promis. Je vous rappellerai encore un petit coup là, la devinette qui colle. Et puis on va s'écouter le son de Tayo Cruz maintenant et Florida. C'est Hangover sur Fun Radio. 8h09 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Il y a Britney qui arrive. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais tous les matins, on paye vos factures, évidemment, sur Fun Radio. Pour se faire un jeu d'enfant, il faut s'inscrire au 6322, débuter votre message par facture, tout simplement, avec le montant et l'objet de la facture. Et puis, on va sélectionner quelqu'un maintenant, au hasard. Quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 avec le code facture. On l'appelle si il ou elle décroche, tout simplement, en répondant bien à la question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, ce sera gagné, on remboursera sa facture. Et on appelle maintenant pour un remboursement de 62€. Ali. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Qui paye les factures le matin ? Mickaël, sur Fun Radio. Mais oui ! Pas mal. Dis donc, tu te foutais de ma gueule à faire allô, allô à chaque fois ou t'entendais pas ? Non, j'en connais pas, en fait. Ah, mais il faut mettre plus fort son téléphone. Comment tu t'appelles ? Christophe. Christophe, t'es dans quelle ville et tu as quel âge, Christophe ? Boncel, 28 ans. Boncel, c'est la région liégeoise, Boncel. Très bien. Ouais. Alors, 28 ans et tu avais une facture de 62€ à te faire rembourser, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Très bien, tu as envoyé le message à 8h07 et 21 secondes. Comme quoi, tu vois, tu l'as envoyé tac, tac, directement, quasiment, on te rappelle. Et bon, on va te la rembourser, c'est pour rembourser quoi ? Mobistar. Ah oui, facture téléphone, d'accord, ok, donc basique. Très bien. Eh ben écoute, on va te rembourser ça. Par contre, faudra moins téléphoner dorénavant, hein. C'est cher, hein, 62€ quand même, hein, pour le téléphone. Hein. Ok, impeccable. Attention quand même. Bon, bah écoute, Christophe, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça marche, d'accord ? Et on te rembourse c'est ça bon, très rapidement. Gros bisous et à bientôt, Christophe. Merci Louis, au revoir. Salut, à bientôt. Et si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, comme Christophe, on remet le couvert une dernière fois ce matin. Ce sera à 9h10, donc vous avez une heure pour vous inscrire. 63-22, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, il y aura l'horoscope de notre ami Doudou, évidemment. Et puis je vais vous rappeler aussi, d'ici quelques instants, la devinette qui colle pour repartir avec votre écran plat. Et comme promis, il y a Britney Spears qui arrive. On fait une petite pause d'une minute et on revient juste après sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Britney Spears sur Fun Radio et je vous rappelle la devinette qui colle avant l'horoscope. Il aime à être montré et suivi, oui c'est ça, et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il ? En général, on le montre justement, hein, un petit essai qui vaut rien du tout en fait au final quand on a un petit exercice de maths par exemple, hein, avant de demander aux élèves de faire cet exercice, en général on leur montre quelque chose qui ressemble. Oui, aux enfants, difficile il faut montrer le bon. Voilà, il vaut mieux montrer le bon. La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Et il y a des écrans plats à gagner. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Mais avant cela, évidemment, c'est l'horoscope avec notre ami Doudou. Ah, Doudou, il paraît que vous venez pas avec demain, alors. Mais où ça ? Bah, à tourner, là, Doudou. Souvenez, on va tourner demain. Ah, oui, mais on va où déjà ? À la boulangerie à Vienne. À Vienne, on va pas à Vienne. À la boulangerie Vienne, c'est rue Royale numéro 18 à Tournai. Vous venez pas alors ? Oui. Mais on va faire quoi là-bas ? On va se réveiller avec les auditeurs et puis je paye mon petit déj. Ah c'est vrai ? Vous allez m'offrir des croissants ? Non, pas à vous, aux auditeurs, Doudou. Ah oui, je me disais aussi que voilà, c'était... donc vous venez demain quoi. Ah oui, enfin j'ai pas trop le choix je crois. Non, c'est vrai. Bon allez, on commence l'horoscope avec les béliers, comme d'habitude. Alors c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée sur tous les toits. Vos adversaires pourraient en profiter. Les taureaux. De nouvelles idées et possibilités financières pourraient s'offrir à vous. Les Gémeaux. Repoussez vos rendez-vous financiers à plus tard. En ce moment, vous n'avez pas de chance. Les cancers. Ayez votre santé plus à l'œil. Ah non, je vais tomber malade encore. Bah c'est pas non, possible. Mais non, jamais, oh, tu tombes jamais malade, arrête. Mais non, c'est pas le problème, je fais la potion magique. Ah bah ça va, alors c'est une potion magique, tout va bien. Tu vois, t'es rassurée, Julie ? Ah bah oui, là je me sens mieux. Tu vois, c'est parfait. Les lions. Un flirt pourrait vous rendre cette journée agréable et vous libérer de vos idées noires. Les vierges. Vous êtes dans une période grandiose et vous êtes gagnant dans presque tous les domaines. Les balances. N'oubliez pas que vous allez bien, que vous n'avez aucun problème, alors continuez comme ça. Les scorpions. Les prochains jours seront pleins d'harmonie et d'amour. Les sagittaires. Concentrez-vous aujourd'hui sur les bons côtés de la vie. Les capricornes. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Les verseaux. Allez de l'avant, ne traînez pas au lit aujourd'hui. Et c'est moi que j'ai dit ça, oh là là là là. Bah comme quoi, hein, tout arrive. Et enfin, les poissons pour terminer. Grâce à votre travail, vous avez pu défendre votre position professionnelle des attaques. Maintenant, vous n'êtes plus en danger. Eh ben c'est la bonne nouvelle, 8h19 sur Fun Radio. Retour tout à l'heure évidemment avec l'ami Doudou pour un nouvel horoscope. Dans un instant, la déclaration express et la réponse à la devinette qui colle. Avant ça, Neyer, maintenant soivez sur Fun Radio. C'était Neyer à l'instant sur Fun Radio avec Mombi également et Soave. Il est 8h22. Bon réveil tout le monde. Nous allons maintenant donner la réponse à la devinette qui colle. Et qui est avec nous pour la devinette qui colle? Car je n'ai pas le prénom, n'est-ce pas Lob? Alain. Alain, bonjour Alain, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, tant mieux Alain, bienvenue à toi. Tu es dans quelle ville Alain? Alors je suis à Bouffiou dans la région de Charleroi. À Bouffiou, très bien, région de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi. Bon Alain, tu as la réponse à la devinette qui colle. Il aime à être montré et suivi et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il? Je pense que c'est l'exemple. Exactement, tout à fait. Eh ben bonne réponse Alain. Bien joué. Ça te permet de repartir avec un écran plat Alain. Oui, merci. Mais je t'en prie. Mais oui, cache ta joie. Oui, je suis très heureux. Eh ben, un petit écran plat pour ma fille. Eh ben, faut pas demander quand t'es triste. Bon, Alain, je te renvoie au standard, d'accord? Merci bien, je t'en prie. Salut Alain, bientôt et bonne journée à toi également. Salut, ciao, ciao. Et nous avons Félice qui est avec nous. Salut Félice. Ah, Félice. Allô, ah, d'accord. Bonjour, ah, oui. Bonjour, ça va? Ah, oui, ça va bien toi, Félice. Ça va, bien. Bon, bah tant mieux. Félice. Content d'être là avec vous. Eh ben écoute, on est content également que tu sois là, avec plaisir. Félice, tu as 31 ans, t'appelles de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, donc. Et tu nous appelles donc parce que tu veux faire une déclaration express, c'est ça? Ça, déclaration express à qui? Ma petite femme chérie que j'aime depuis 10 ans. Donc, voilà. Oh, c'est trop mignon. C'est beau. Bon, Félice, elle s'appelle comment? Jessica. Bon, on va l'appeler, Félice, tu l'appelles, tu lui dis, voilà, oh, j'ai un truc à te dire, et hop, dès qu'on l'a à l'antenne, tu lui dis, j'ai un truc à dire, et nous, on dégaine derrière, d'accord? Ok, super. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, c'est parti. Et puis, il y aura une tablette Lenko aussi, numérique, à gagner juste après, avec notre invité mystère du jour. Allez. Quand elle veut, Josiane, hein? Allô? Allô? Oui, allô, Jessica? Oui. Oui, bonjour, Jessica, je suis avec Félice, mais comme il est un petit peu sourd, à mon avis, il n'a pas dû t'entendre. On est en direct sur Fun Radio. Ça va? Non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Non, non, non. Et on t'appelait pour la déclaration express. Tu es prête à entendre ce qu'il a à te dire? Oui, bien sûr. Non, mais oui. Allez, c'est parti, écoute bien alors. Oh mon Dieu. Le jour où je t'ai vu, j'étais dans ma bagnole. Gnole. Yeah. Je t'ai laissé traverser, tu portais tous tes brôles. Hol. Je te trouvais belle et je t'ai abordée. Encore bien que tu ne m'as pas remballée. Oh, sinon j'aurais eu l'air con. Yeah. J'ai repéré direct ton tatou dans le et j'ai enchaîné en grattant ton numéro. J'ai pas dû te le demander 100 fois. Toi t'avais aussi flashé et sur moi. Deux jours après dans ma maison. Ouais on n'a pas arrêté. Cuisine canapé. C'est même arrivé qu'on le fasse dans l'évier. Olivier. Aujourd'hui le petit pas avec Nicole en car. Alors prépare-toi, ce sera ta fête ce soir. On va se marrer comme les premières fois. Ouais, c'était trop bien quand j'étais sur toi. On va commencer. Non, ça ira, c'est bon, là, c'est terminé. Hein, là, on va arrêter là maintenant. Hein. Je dis bravo au cœur. Hein. Eh oui, les cœurs sont. Les cœurs vous remercient d'ailleurs. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Jessica, qu'est-ce que tu as pensé de cette magnifique déclaration express, rien que pour toi? Magnifique, magnifique. C'est bien résumé, c'est bien défini. Oh, résumé, ça se résume que à ça. Hein, bah, canapé, oui. Cuisine dans l'évier. Exactement. Et puis surtout sur la fin, bien sûr que j'ai censuré. Ça tombe sur le sens. Bon, et ben voilà, Jessica, Felice, ça t'a plu également? Ouais, magnifique. Magnifique. Super, ouais. Je suis content, je suis très heureux. Bah écoute, tant mieux. Allez, vas-y. Je fais un gros bisou à tout le monde, tous ceux que j'aime, ma famille, mes amis, Mickaël, Melfi, tout le monde, toute ma famille. Et surtout un en personne, enfin vraiment un, c'est Julien, mon beau-frère. Il a fait énormément pour moi pour l'instant et je l'adore énormément. Un gros bisou à tout le monde. T'inquiète voilà. Pas, ça va se payer tout ça. Bon, salut Jess, salut Felice, à bientôt. Merci beaucoup. Comme ça, je vous adore. Ciao, ciao. C'est gentil, ciao. Merci à toi, ciao et merci à vous deux. Et puis merci, si vous aussi. Salut Jess, ciao. Et si vous aussi, vous voulez qu'on vous fasse une petite déclaration express. Je pourrais faire les cœurs, mais c'est une option payante. Je tiens à préciser. Et bien, n'hésitez pas, vous nous envoyez simplement votre message au 3044. Vous débutez le message tout simplement par déclaration ou alors vous faites un mail à l'OB, L-O-E-B, at funradio.be. Dans un instant, notre ami DJ Joss qui sera sur Fun Radio. Ce sera avec I Want You sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. Mickaël. À la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 8h29 sur Fun Radio et bon réveil. Il y en a plein de gens qui veulent faire des déclarations express tout d'un coup. Est-ce que c'est grâce à mes cœurs? Ah peut-être, je ne sais pas. Mais c'est peut-être. Vrai que c'était du grand lobe ce matin. C'est vrai. C'était beau. Bon, grâce au cœur, parce que lui reste relativement quelle basique évidemment. Belle déclaration d'amour. Mais oui, c'était beau, c'était magnifique. C'était. Oh là là, j'en ai la larme à l'œil encore. Oui, mais moi je pleure encore là. Bon, alors dans un instant, on va vous offrir votre tablette numérique Lenko. Vous allez pouvoir faire plein de trucs avec la tablette numérique Lenko qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio. On l'a offert avant-hier. On l'a offerte hier également, c'était avec Lucas dans le self. Et là maintenant j'ai un petit invité mystère, un double invité mystère. Si vous avez une idée, vous nous envoyez votre réponse au 6322, 1€ le message, et on vous appellera avant 9h30 pour vous offrir votre tablette numérique Lenko. Écoutez bien qui sont les deux intrus, enfin pas les deux intrus mais les deux chanteurs. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais, on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Ouais, bon là il y en a qu'un. Hein. Non je trouve pas. Ouais. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. C'est bien que je te dis, mais je te dis quand même. Je t'aime. Voilà, si vous avez une idée, quelles sont les deux personnes qui sont dans notre invité mystère de ce matin? Il y en a un qui est très ami avec un colonel. Et voilà. L'autre très facile à deviner. Et l'autre est relativement facile à deviner. Quand t'entends sa voix, normalement l'autre tu trouves quoi. Mais oui, c'était pour ceux qui sont fidèles à l'émission depuis plusieurs années, Toff est devenu un connard à cause de lui. Voilà, pas à vous explique. De lui, mais pas à cause de lui, mais via lui sans qu'il le sache. Mais je vous expliquerai après, bien évidemment. Voilà, la bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. Et nous allons maintenant passer à l'actu. C'est à 8h31 avec Julie. Bonjour à tous. Les accords s'enchaînent au 16 rue de la Loi. Les négociateurs des six partis se sont mis d'accord sur une série d'objectifs à atteindre. Parmi eux, faire sortir de la pauvreté près de 400 000 personnes. Harmoniser les statuts d'ouvriers et d'employés d'ici 2013. Pour la défense, pour des raisons budgétaires, l'armée sera réduite à 30 000 militaires et 2 000 civils dans les 3 ans. Et puis le futur gouvernement veut réduire l'écart salarial entre hommes et femmes. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice plus généralement. Mais ces accords ne plaisent pas à tout le monde. Le groupe SNCB rejette le plan d'économie du formateur Elio Di Rupo dans un courrier daté du 16 novembre. Ce plan d'économie leur demandant un effort de 180 millions d'euros sur 3 ans. D'après eux, imposer des efforts au groupe mettrait à mal des grands projets comme le développement du système européen de sécurité, le RER ou encore les grandes gares. Le Tech Liège est le champion de la grève en 2011. C'est ce que rapporte ce matin la Libre Belgique sur base de statistiques compilées par la Société régionale wallonne du transport. Au 1er novembre 2011, la province de Liège avait déjà connu 14 perturbations du réseau pour l'année. En ce qui concerne les statistiques annuelles complètes pour Liège-Verviers, il faudra ajouter au minimum les grèves interprofessionnelles du vendredi 2 décembre prochain et l'action sociale prévue le 7 décembre en solidarité avec les travailleurs liégeois d'ArcelorMittal. Dès demain, la consultation médicale sera à 1 euro pour les plus démunis. Les bénéficiaires disposant d'un régime préférentiel et d'un dossier médical global ne paieront donc plus que 1 euro l'intervention personnelle dans les honoraires de consultation du médecin généraliste. C'est le médecin qui fait ensuite les démarches auprès des mutuelles pour obtenir le paiement complet de sa consultation. L'assurance prend tout en charge. Voilà une bonne nouvelle pour certains. Les contrôles de l'Office national d'allocation familiale pour travailleurs salariés débouchent davantage sur des remboursements que sur des recouvrements. 14 contrôleurs traquent les erreurs en Belgique et quelques 96 000 euros ont ainsi été récupérés. Mais des remboursements ont également eu lieu à hauteur de 328 000 euros. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagnent. Selon une étude de Deloitte 2011, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux de fête de fin d'année. Et bah oui, les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté. Les Belges prévoient aussi de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. Et pour finir, le docteur Konrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire. Après la mort de Michael Jackson en juin 2009, le juge a admis que le docteur Murray devrait indemniser les enfants et les héritiers du chanteur, mais a indiqué que le montant serait décidé à une prochaine audience fixée le 23 janvier. Il est 8h34 sur Fun Radio, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, DJ Joss dans un instant côté musique, et puis la météo maintenant avec Julie toujours. Mais c'est plutôt une belle journée qui nous attend, avec évidemment des passages nuageux, mais au moins le temps restera sec. Température entre 7 et 11 degrés cet après-midi, demain tout le contraire, de la pluie et des rafales de vent au programme et même à Tournai où ça ne passera pas les 11 degrés. Oui, on précise Tournai car on sera demain à Tournai évidemment en direct de la boulangerie Vienne, on sera 18 rue Royale, donc si vous voulez venir nous rejoindre, hein, je paye les factures tous les matins, je paierai mes factures demain et puis en plus de ça, demain pour ceux qui viennent nous rejoindre, je paierai également mon petit déj. Voilà, donc on vous attend nombreux, 18 rue Royale à Tournai à la boulangerie Vienne, n'hésitez pas à venir avec tous vos potes et collègues évidemment avant d'aller au travail, passez nous voir et hop là, on fait péter le petit croissant évidemment. 8h35, dans un instant je vous remets notre invité mystère puisque vous êtes nombreux à ne pas savoir trouver en l'occurrence, à trouver un des deux mais pas les deux. Avant ça c'est l'info en plus avec Julie toujours. Eh bien oui, alors j'en avais parlé au mois d'août mais l'annonce vient de tomber que la décision du tribunal est confirmée. En fait un tribunal français a condamné un homme à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à son ex-femme pour n'avoir pas respecté ses devoirs d'époux en matière de relations sexuelles. Mais c'est normal. Donc en mais bref, oui. Les époux âgés de 51 ans se sont mariés en 1986 et le divorce a été demandé en 2009. Et là, la femme a demandé des dommages et intérêts parce que en fait, ils n'ont pas vraiment fait beaucoup l'amour. Et donc du coup, elle s'est dit, je vais demander des dommages et intérêts parce que préjudice moral. Mais c'est normal, elle est restée fidèle alors qu'elle n'était pas satisfaite. Mais voilà, oui. Et la cour lui a donné raison en citant que les attentes de la femme étaient légitimes dans le sens où les relations sexuelles entre personnes mariées sont une expression de leur affection mutuelle et font partie des droits et devoirs des époux et épouses. Donc voilà, 10 conjugal, euros. C'est normal. Oui. Ça va donner des idées à beaucoup de monde. Ah, ça c'est sûr. Bon, très bien. Dites-nous d'ailleurs aussi si vous seriez prêt à porter plainte contre votre femme ou contre votre mari parce qu'il n'assume pas le devoir conjugal jusqu'au bout. En tout cas, pas comme vous le souhaitez. Sachez que sinon, Toff peut venir vous dépanner. Moi, je peux dépanner. Et puis bon, c'est dépannage 24. Voilà, la prochaine qui veut pas, mais non, je saurais quoi lui dire. Quoi. Ah 10 000 euros. C'est voilà. Horrible, voilà. Moi, je trouve. Comment ça, tu ne veux pas faire l'amour? Hop, hop, hop. Monsieur le juge. Voilà, c'est assez halluciné que le tribunal lui donné raison à la femme. Enfin, c'est bon. Fou parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein, voilà, comme dirait l'autre. Bon, 8h36 sur Fun Radio. Attention, il y a toujours notre invité mystère qui est là. Écoutez notre invité mystère. Nos invités mystères, car ils sont deux. Alors, on va se quitter comme ça. Comme c'est pour gagner la tablette numérique Lenko. Hein, la table 811. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Ouais. Non, je trouve pas. Ouais. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Il n'est pas très bon rappeur. Hein. Mais je te dis quand même. je yo. Ouais, 1-1. Bon, alors on proposait Cool Chain et Joey Star. Non, non, alors vraiment pas, non. Je les vois déjà terminer par Je t'aime. Oh là là, ils auraient l'air mignons comme ça. Alors on proposait également. Où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce qu'il est? Le colonel Ryan est dédiqué. Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. Hein. Ce n'est pas le colonel Ryan en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Mister You est dédiqué. Il y a une bonne réponse, voilà, je n'en dis pas plus, mais il y a une bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, donc tablette numérique Lenko a gagné, qu'ils sont nos deux invités mystères. Bonne chance. On va s'écouter DJ Joss maintenant sur Fun Radio avec Magic Cuts et I Want You. Bon réveil. DJ Joss à l'instant sur Fun Radio avec Magic Cut, il est 8h40. Dans un instant, c'est les MFO avec Sexy and I Know It. Et puis plein de messages qui arrivent aussi pour notre invité mystère pour repartir avec la tablette Lenko. Tiens, Shuriken et Akhenaton. Bah voyons, voilà autre chose maintenant, tiens. Non, non, c'est pas ça. On les reconnaît tout de suite. Eh oui, on proposait Patrick Bruel et dédiqué. Non, ce n'est pas, ce ne sont pas les bonnes réponses en l'occurrence. Hein. Peut-être bien qu'il y en a une des deux, mais en tout cas, c'est pas les deux. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a Mister You, c'est Nico de Huy. Ouais, mais après il manque une deuxième réponse en l'occurrence. Hein. Si vous avez la bonne réponse, qui sont les deux chanteurs? Écoutez bien. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais, on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Ouais. Mais je trouve pas. Ouais. Mais je trouve pas de refrain, de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je te dis que j'ai trop dit, mais je te dis quand même. Je t'aime. Voilà, donc sur la fin, évidemment, c'était un extrait de la chanson de notre second invité mystère, évidemment. Voilà, un petit indice éventuellement sur notre invité mystère. Prof. Poker. Oh, prof, attends, c'est difficile. Oui, prof. Ouais, bah, c'est un film. Bah oui, mais justement. Pour une fois, je donne pas un indice trop facile, donc on gueule encore là. Non, ouais, poker, c'était poker, mieux. Bon, bah, poker, alors effectivement, un autre indice, Julie. La voix. T'étais pas amoureuse de lui quand t'étais petite? Alors là, pas du tout. J'ai jamais eu d'idole, et alors lui, encore moins, quoi. En plus, je sais que c'est un. Enfin bon, moi je vais pas le lire à l'antenne. Elle n'a pas déchiré son t-shirt dans ses concerts. Non. D'accord, ok, j'ai très bien. J'ai pas acheté ma petite culotte. En plus, j'étais un petit peu trop petite quand il y a eu l'euphorie pour ce chanteur. Moi j'étais encore un petit peu trop petite. D'accord, ok. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, hein, n'hésitez pas. On proposait Mister You et le colonel Réel. C'est pas Réel, c'est Réel. Mais en l'occurrence, c'est pas là. C'est pas ce duo là en l'occurrence. Non, c'est coup-ci. Le colonel Réel. Le colonel Réel. Il existe vraiment celui-là. Voilà. Allez, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Tablette numérique Lenko a gagné d'une valeur de quand même 200 euros. Hein. Donc bonne chance tout le monde. Allez, Julien Dorien qui est avec Evan tous les soirs entre 17h et 20h et avec nous tous les matins à 8h40. On écoute maintenant notre grand reporter, toujours à l'affût de la moindre information. Aujourd'hui, nous voulions parler d'Arthur Christmas, le film d'animation sorti en salle mercredi dernier. L'histoire du film répond à la question: comment fait le Père Noël pour livrer en une nuit tous les jouets aux enfants sages? Julien Derien, notre reporter, a vu le film pour nous en parler. Allô, Julien Derien, en direct sur Fun Radio, là? Oui, Evan, tout à fait, je suis là. Bon, j'ai pas vu le film, hein. J'avais une soirée raquette ce jour-là. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Il faut arrêter de prendre les enfants pour des cons. Faut leur dire la vérité. Le Père Noël n'existe non, pas. Non, c'est encore une connerie inventée par les pauvres. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez? C'est juste du n'importe quoi. Mais non, comme les enfants de pauvres, quand ils n'ont pas de cadeaux, leurs parents ils peuvent dire: oh mince, le Père Noël il a pas eu le temps de passer. Eh mais les enfants, si vos parents vous disent ça, c'est que ce sont des gros connards. Parce que de la thune, papa, il en a pour acheter ses clopes et aller aux putes. Je crois qu'il y a des moments, Julien, vous comprenez rien du tout. C'est quand même juste la magie de Noël avec les boules, les lumières, etc. C'est comme la petite souris qui vient chercher les dents. On n'est pas obligé de croire exactement à tout ça. Ah bah tiens, parlons-en de la petite souris. Eh les enfants, si un jour vous voyez une souris chez vous, croyez pas qu'elle est venue chercher votre dent. C'est juste que maman est une grosse crasseuse qui fait pas de ménage. Alors si un jour vous perdez une dent, les enfants, n'attendez pas la souris. Attendez-vous simplement quand vous irez à l'école qu'on se foute de votre gueule. Parce qu'avec une dent qui manque au milieu, vous aurez vraiment une tête de gogole. C'est pas possible que vous soyez comme ça. J'ai l'impression que vous respectez rien. Vous avez des enfants, Julien? Oui, mais bon, moi c'est pour les allocs. Et puis, bon. Moi je m'en prends aux marmots. Hein. L'autre jour, j'ai un ami de mon fils qui me demande pourquoi ses parents se sont séparés. Bah, je lui dis la vérité. Je lui dis: tu sais Gonzague? Parce qu'il s'appelle Gonzague. Uh-huh. En plus d'être menteur, son père il est con. Bon, je lui dis: tu sais Gonzague, si tes parents se sont séparés, c'est parce que ta mère passait son temps à aller se faire défoncer la rondelle pendant que. Stop, Julien! Par pitié, calmez-vous, on n'a pas besoin de connaître la suite. Enfin bon, faites ce que vous voulez parce qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Alors, juste une dernière chose à propos du Père Noël. C'est important, hein, c'est pour que nos bambins le sachent. Mm-hmm. Les enfants, un gros barbu avec une blouse qui veut faire plaisir aux enfants, c'est pas le Père Noël, c'est un pédophile. Oh allez, stop. Merci pour aujourd'hui, Julien. De rien. Ouais, on va le remercier, effectivement. Ouais. Restez sur Fun Radio dans un instant à 8h44. On écoutera le son des LMFAO, Sexy and I Know It. Et puis, on fera un tour du côté de l'info trafic. Oh, sexy and I know it. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Il est 8h48 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. On va passer à l'infotrafic, que se passe-t-il sur les routes, Julie? Alors évidemment, ça continue à ralentir sur les grands axes pour rejoindre la capitale. Et puis aussi accident sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg à hauteur de Duy. C'est donc bien en direction du Luxembourg. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 44.6, juste avant la zone de travaux. Très bien, voilà, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, dites-le nous, n'hésitez pas, 3044 par SMS, faites jouer la Fun Solidarité, donc on compte sur vous pour aider les autres auditeurs de Fun, ou alors vous nous envoyez tout simplement un petit mail à mikael@funradio.be. Dans un instant sur Fun Radio, ce sera la ligne anti-relou comme chaque matin, avec les meilleurs messages laissés au 0473 86 0013. Et pour info, notre invité mystère, ce n'est pas Benny B dédiqué, pas du tout. Voilà, bonne chance, vous proposez Bruel les dédiqués, ce n'est toujours pas ça. Un instant sur Fun Radio, ce sera le son de Shana Paul, She Doesn't Mind. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. Fun Radio. Et avant cela, évidemment, c'est parti maintenant, la ligne anti-relou sur Fun Radio. Tous les matins, on vous diffuse les meilleurs messages laissés au 0473 86 0013, le numéro de la ligne anti-relou, la ligne qui peut vous sauver des plus gros relous de Belgique. Donc retenez bien ce numéro, 0473 86 0013. Allez, premier message. Du je t'attends. Allez, viens maintenant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et on ne le répète pas assez, la drogue c'est mal. Exactement, ouais. Oui, c'est ça. Surtout les deux ensemble, les deux combinés. C'est, là, c'est ça le plus dur. Ça peut faire quelque chose de très dramatique. Le résultat est explosif, on s'en est bien rendu compte. C'est clair. Deuxième message. Bonsoir madame, je vous appelais parce que vous avez rencontré ma belle-mère aujourd'hui et vous lui avez parlé d'une maison à louer qui m'intéresserait en fait. Voilà. Ben, j'attends votre appel dès que vous savez. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Alors, bah, comme attends, ça va, mais c'est bizarre, si tu veux louer ta maison et tu donnes le numéro de la ligne anti-relou. Mais non, mais c'est peut-être le mec qui est vraiment relou parce que, genre, tu veux peut-être louer ta maison, je sais pas moi, à 800 euros par mois. Le mec, oui, mais je vous la prends pour 200, mais ouais, vraiment, ça, allez, tu sais ça. Genre, ça fait 10 fois, ces mecs disent, bon, écoute, rappelle-moi. Quelqu'un comme ça, très radin. Ouais, ça, franchement, c'est quelqu'un. Une tanasse, quoi. Je vois pas de qui tu parles. C'est pas Julie. Ah, bah oui, c'est elle qui radine. Regarde, elle veut pas offrir un cadeau pour Noël. Radine. Radine. Tu n'es qu'une radine. Oui, voilà. Bien sûr, oui. Mais est-ce que toi, tu veux lui offrir un cadeau pour mais Noël? Mais bien sûr, ouais, bien évidemment, sûr. Mais c'est clair. Bon, allez, dernier message pour ce matin. Bon, allô, c'est encore Maxence, le jardinier. Bah, je suis à la soirée de Saint-Éloi et on m'avait dit que tu serais là. T'as un empêchement, peut-être? Ah oui, peut-être. Allez, je te fais un gros bisou. Sonne-moi, on t'attend. Salut. Salut. Bon, et ben voilà, comme ça c'est plié, comme ça, retour de la ligne anti-relou demain à partir de 6h sur Fun Radio. Et on va s'écouter le son de Sean Paul maintenant. She doesn't mind. Bon réveil sur Fun Radio, 8h53. Le son de Sean Paul à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 8h55. Et puis toujours parmi donc de ta nouvelle de ton nouveau sondage là. Bah non, c'est quand même abusé. Je veux dire 5% des gens qui baissent dans des églises. Tu peux dire font l'amour, ça marche aussi à cette heure-ci. Ouais, c'est mieux. Non mais c'est choquant. Ouais. Donc autant choquer jusqu'au bout. Bah oui, bien sûr, évidemment, mais il y a des gens que ça doit exciter. Tu le ferais toi? Dans une église? Ouais. Non, je pense pas, j'en sais rien, non. Je sais pas. Ouais, enfin bon, non mais voilà, parce que bon, c'est quand même, enfin moi c'est choquant. Ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Hein. Bon, je vous avais demandé d'ailleurs où est-ce que vous aviez déjà fait l'amour, dans les endroits on va dire plutôt insolites, hein, dans une ambulance, sur le brancard, pourquoi non. Pas dans le bureau de mon patron avec sa secrétaire dès mon premier jour. Eh bah dis donc, t'as bien commencé toi. Une fois j'étais invité chez vous mais vous ne saurez saurez pas qui je suis. J'étais avec une amie et on l'a fait dans vos toilettes. Julie, nettoie bien. Mais je n'ose même pas aller dans vos toilettes, hein, donc bon. Ça tombe bien. Et dans la voiture aussi, on s'est fait attraper par deux flics. La gêne, mais on a bien rigolé après. Bah voilà, ça reste des bons souvenirs. Bon, 30-44, dites-nous, tiens, où est-ce que ça vous avez déjà arrivé de le faire. Bon, allez, on va donc téléphoner maintenant et on va appeler. Où est-ce qu'on va appeler Alain Bourg. Alain Bourg, ok. Bon, eh ben, très bien. Bah, je n'ai pas le numéro de téléphone, hein, mais bon, c'est pas très grave. Hein. On va se démerder. On va prendre n'importe quoi, Alain Bourg, ça ira très bien. Allez, hop là, bah, on y va. Tiens, voilà, ça y est. Prêt? Bah, moi, je suis prêt, moi, je sais pas. On y va. Bah, c'est parti, alors, c'est parti. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que 5% des gens ont déjà fait l'amour dans une église et je voulais savoir si vous aviez déjà essayé. Ah, la merde. Elle n'est pas très bonne catholique. Ah non, là, non. Mais c'est pas grave, on va la rappeler. Hein. C'était sympathique. Mais oui, il avait l'air tellement gentil. Quelle femme gentille. Ah, toujours. Bon, allez, c'est reparti, on rappelle Alain Bourg. On rappelle à la merde. Elisa. Bon, alors c'est quand il veut le téléphone, hein? Elle est un petit peu. Jean-Jacques, téléphone. Non, mais il n'a pas envie de téléphoner. Je crois qu'on va aller à la merde et puis c'est tout. Oui, hein. Je pense qu'on va effectivement y aller. C'est dommage. Bah oui, là, il compose plus. Bah alors. Bon, bah écoute, je pense que. Eh bien, allons tous à la merde. Bah voilà, je pense qu'elle avait raison. Hein. Allons-y directement, clairement comme il faut. Hein. Ça ne veut pas. Allez, hop, adjugé. On va à la merde alors. Bah voilà, on restera sur un va à la merde, c'est pas très grave. 8h57 sur Fun Radio, bon réveil. C'est Rihanna et Calvin Harris qu'on écoute. We Found Love. 9h pile sur Fun Radio, il y a Laurent Wery dans un instant qui arrive avec Hey Hey Hey. Et puis je vous rappelle évidemment qu'il y a le remboursement de vos factures. Ça se passe dans quelques instants sur Fun Radio, dans 10 minutes pour être précis après l'info. Si vous voulez qu'on vous appelle et qu'on vous rembourse votre facture, comme on l'a fait par deux fois déjà ce matin, eh bien il suffit simplement de nous envoyer un message au 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle et on vous rembourse votre facture avec grand plaisir. 6322, code facture avec le montant et l'objet, bonne chance tout le monde. 9h pile sur Fun Radio et Laurent Wery qu'on écoute dans un instant comme promis. Il est 9h ce matin, bonjour tout le monde. Nous allons maintenant faire un tour du côté de l'actu avec Julie. Bonjour à tous, fini les classes surchargées pour la rentrée. La ministre, les écoles et les syndicats ont conclu un accord sur la taille des classes. Elles ne pourront pas dépasser les 29 élèves. La ministre Marie-Dominique Simonnet, en charge de l'enseignement à la communauté française, a enfin pu finaliser un projet d'accord avec les pouvoirs organisateurs et les syndicats. Cette réforme sera accompagnée par un petit renfort d'enseignement, financé par un budget de 4,6 millions d'euros, mais cela ne représentera pas toujours des embauches. Pour une part, ce budget servira à régulariser des agents déjà en fonction et travaillant sous statut précaire. Et puis, dès demain, la consultation médicale sera à 1 euro pour les plus démunis. Les bénéficiaires disposant d'un régime préférentiel et d'un dossier médical global ne paieront ainsi qu'1 euro l'intervention personnelle dans les honoraires de consultation du médecin généraliste. C'est le médecin qui fait ensuite les démarches auprès des mutuelles pour obtenir le paiement complet de sa consultation. L'assurance prend tout en charge. Politique, les accords s'enchaînent. Aux 16 rue de la Loi, les négociateurs des 6 partis se sont mis d'accord sur une série d'objectifs à atteindre. Parmi eux, faire sortir de la pauvreté près de 400 000 personnes, harmoniser les statuts d'ouvriers et d'employés d'ici 2013. Pour la défense, pour des raisons budgétaires, l'armée sera réduite à 30 000 militaires dans les 3 ans. Et puis, le futur gouvernement veut réduire l'écart salarial entre hommes et femmes. Les discussions continuent aujourd'hui, notamment le débat sur les peines incompressibles et la justice plus généralement. Le Tech Liège est le champion de la grève en 2011. C'est ce que rapporte ce matin la Libre Belgique sur base de statistiques compilées par la Société Régionale Wallonne du Transport. En ce qui concerne les statistiques annuelles complètes pour Liège-Verviers, il faudra ajouter au minimum les grèves interprofessionnelles du 2 décembre prochain et l'action sociale prévue le 7 décembre en solidarité avec les travailleurs liégeois d'ArcelorMittal. Noël approche à grands pas et le casse-tête des cadeaux qui l'accompagnent. Selon l'étude de Deloitte 2011, l'argent liquide est le leader incontesté des souhaits pour les cadeaux des fêtes de fin d'année. Les chèques cadeaux sont devenus moins populaires car les consommateurs trouvent leur période de validité trop courte. L'argent liquide leur offre plus de liberté. Et puis les Belges prévoient de dépenser en moyenne 574 euros pour les fêtes. Il s'agit de la première augmentation depuis 5 ans. Et pour finir, le docteur Conrad Murray a été condamné à la peine maximale de 4 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de Michael Jackson en juin 2009. Le juge a admis que le docteur Murray devrait aussi indemniser les enfants et les héritiers du chanteur. Le montant sera connu le 23 janvier. La météo sur Fun Radio. Dans un instant, on écoutera aussi Laurent Wery. Et quel temps pour aujourd'hui ? Eh ben, c'est plutôt une belle journée qui nous attend avec évidemment des passages nuageux, mais au moins le temps restera sec. Température de 7 à 11 degrés cet après-midi et puis demain, tout le contraire, de la pluie et des rafales de vent au programme. Quel magnifique temps qui est prévu, ça fait plaisir. Demain, on sera d'ailleurs à Tournai, je le rappelle. C'est au 18 rue Royale, on sera à la boulangerie Vienne, on va faire l'émission en direct de la boulangerie, hein, comme ça, bon délire. Et donc, si vous voulez venir nous rejoindre, de 1, vous êtes les bienvenus, et de 2, je ferai comme d'habitude, je paierai mes factures, mais en plus de ça, je paierai mon petit-déj. Donc, si vous voulez venir, 18 rue Royale, à la boulangerie Vienne, on vous attend évidemment nombreux. Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, je vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. C'est dans quelques instants, dans 4 minutes pour être précis, après Laurent Wery. Ce sera, on appellera des gens au hasard, ceux qui se seront inscrits évidemment à l'avance au 63-22 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appellera chez vous d'ici quelques instants. Bonne chance pour les inscriptions, bonne chance donc pour le tirage au sort d'ici quelques instants. Quelle est l'info en plus ? Alors Mickaël, est-ce que tu sais combien de mails qui ne servent à rien tu lis par jour ? Ouh, à mon avis une blinde. Déjà tous ceux qui nous envoient des messages, tout ça, etc. Le boss, tout ça, vois. Ça ne sert à rien pour toi. Ah okay, oui, d'accord. Non, c'est une perte de temps. Écoute, il y a une des plus grandes sociétés de technologie de l'information dans le monde qui a décidé d'interdire les emails car 90% d'entre eux constituent une perte de temps. Cette société, c'est Atos, qui emploie quand même près de 80 000 personnes dans 42 pays. Donc les emails, c'est quand même sympa pour communiquer. Mais non, c'est terminé. Dans 18 mois, les emails seront interdits et supprimés. La compagnie souhaite que ses travailleurs privilégient la communication orale, que ce soit au téléphone ou en personne. T'inquiète pas, quand le mec il va voir la facture de téléphone, hein, il va lui changer. Oh là, on va remettre le mail. Hein, c'est ce que je me dis. En fait, le patron affirme que seuls 20 mails sur 200 que l'on reçoit se révèlent vraiment importants. Et il paraît que quand on lit un email qui ne sert à rien, entre guillemets, notre cerveau prend un peu plus d'une minute pour se reconcentrer et pour qu'on puisse être bien actif dans le travail. Donc voilà, le boss il a calculé et pour lui, on perd beaucoup trop de temps à lire des emails qui ne servent à rien. Donc voilà, dans 18 mois, cette société aura supprimé les emails. Ouais, bah très bien, écoute, mais on va voir, on en reparlera tiens, dans 18 mois là, pour voir si effectivement au niveau de la facture téléphone le mec il aura pas changé d'avis. Parce que s'ils étaient qu'une société en Belgique ou en France, tu vois, mais là dans 48 pays, c'est-à-dire que quand le mec doit téléphoner à Hong Kong, si tu veux, je pense qu'à la place d'envoyer c'est un mail. C'est la question que je me pose, effectivement. Ça va coûter bien cher. 9h06 sur Fun Radio, les factures on vous les rembourse dans un instant. Et également le petit invité mystère, nos deux invités mystères, on fait un petit topo d'ici quelques instants. C'est Fun Radio, bon réveil. Dans quelques instants, il y aura Kate de Luna avec Fat Man's Coupe et Drop It Low. Et puis là, pour la dernière fois, on rembourse les factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement. Et pas mal de factures qui sont arrivées d'ailleurs. 200 euros pour les contributions. Qu'est-ce qu'il y a également ? 99 euros pour un GSM, 63 euros pour une facture d'eau. Qu'est-ce qu'il y a également ? 46,47 euros pour un hachoir. Quelle drôle idée d'acheter un hachoir. Bah ça dépend, si tu es en série c'est vachement utile. Ah oui, si tu es Dexter effectivement ça peut aider, c'est vrai. Allez on y va, on appelle quelqu'un maintenant. Et on va rembourser 63,98€ pour des chaussures trop sexy. Eh ben écoute, demande à voir. Allez c'est parti, ça sonne. Donc apparemment on... Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin? C'est Mike sur Fun Radio. C'est vrai. J'allais chipoter Mike, tout ça. Bon. T'aimes pas qu'on t'appelle Mike ? Non, si, non, non. C'est juste, c'est pas la règle, tu vois. Mais enfin, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mickaël ou Fun Radio. Elle a dit Fun Radio, quoi qu'il arrive, c'est bon. Bon, de toute façon, on n'allait pas chipoter, on n'est pas des cons quand même. Comment tu t'appelles ? Mickaël, pardon. Donc, moi, c'est Sonia. Sonia, tu es dans quelle région, Sonia ? À Liège. À Liège, d'accord. 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Et tu, apparemment, as acheté des chaussures trop sexy. Oh, oui. Trop sexy, oui. C'est pour qui c'est... c'est. Ah oui, tu pourrais nous envoyer une photo, effectivement, en même temps que la facture d'ailleurs, je compte dessus. Hein. Comment oui, ça se passe là, tu l'as acheté pour toi ou pour monsieur ou... C'est pour moi. C'est pour toi, donc ton mec t'en fout en fait. Bah oui, apparemment. Oui, apparemment, elle s'en fout. Mais elle a bien raison. Hein. Bon, bah écoute, Sonia, on va te rembourser ta facture. 63,98€ pour des chaussures trop sexy. Et puis, bah oui, en léopard, j'imagine, non? En léopard? Non, même pas. Mais non, ça va pas, dit. C'est dommage. D'accord, bah tu m'envoies ça, Sonia, sans problème. Voilà, gros bisous, Sonia. Merci beaucoup. Et reste au standard, surtout. On va prendre tes coordonnées dans un instant. Dans un instant également, il y aura notre ami Doudou avec l'horoscope. Dans un instant également, je vous rediffuse encore une fois notre invité mystère. On cherche les deux invités mystères ce matin. Il y avait quelques propositions qui sont arrivées. Bruel et Benny B. Non, c'est pas la bonne réponse. On proposait également Bruel et le colonel Rayel. Non plus. Dédiqué et mystérieux non plus. Alors, vous avez les bonnes réponses, mais... Elles sont pas voilà, bien voilà, assemblées. Il y en a quelques-uns qui ont la bonne réponse. Hein. On proposait Mr. Hughes, ah oui d'accord, donc Mr. You et Rof, non pas du tout, ce n'est pas Rof. Voilà, si vous avez la bonne réponse en tout cas, 63,22€, c'est 1€ le message, bonne chance tout le monde. Et il y a Kate de Luna qui arrive dans un instant comme promis avec Fat Man Scoop et Drop It Low. Pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est Fun Radio, l'horoscope comme chaque matin, 7h15, 8h15 et 9h15, avec l'ami Doudou. Hein. Doudou, vous avez une voiture en fait? Ah bah non, pourquoi faire? Bah, pour venir à tourner. Ah oui, comment je vais faire moi, dis donc? Ah bon, vous inquiétez pas, la boulangerie Vienne est près de la gare, hein, vous pouvez venir en train si vous voulez. Ah oui, mais vous voulez pas venir me chercher? Non, mais moi ça me fait un détour là, en plus à vous faire lever plus tôt et tout ça, donc... Ah oui, donc je prends le train. Ouais, c'est bien en train. Ouais, vous êtes sûr? Ouais, franchement c'est bien, vraiment. Ah bon, d'accord. Ça vous nous direz tout ça, voilà. D'accord. Ça sera bien. Bon, allez, les béliers, Doudou. Ah, c'est parfois mieux de ne pas claironner une idée sur tous les toits, vos adversaires en profiteraient. Ah d'accord, les taureaux. De nouvelles idées et possibilités financières pourraient s'offrir à vous. Les gémeaux. Repoussez vos rendez-vous financiers à plus tard, en ce moment vous n'avez pas de chance. Les cancers. Ayez votre santé plus à l'œil. Ça y est. Je vais essayer, mais c'est vrai. Bah, le problème c'est qu'elle va tomber malade de nouveau. Bah, probablement. Bah oui, mais c'est déjà, elle mettait une écharpe pour cacher cette vilaine gorge. Bah oui, donc, je vais essayer. Non, mais c'est surtout qu'elle était déjà malade au mois d'août, alors imaginez au mois de décembre. Bah, j'étais très très malade au mois d'août, donc je pense que j'ai tout fait pour l'année. Oh, mais on n'est pas sûr encore. Ça, c'est bien. Hein. On n'est pas sûr. Les lions. Un flotte pourrait vous rendre cette journée agréable et vous libérer de vos idées noires. Les vierges. Vous êtes dans une période grandiose, vous êtes gagnant dans presque tous les domaines. Et les balances. N'oubliez pas que vous allez bien et que vous n'avez aucun problème, alors continuez comme ça. Les scorpions. Les prochains jours seront pleins d'harmonie et d'amour. Les sagittaires. Concentrez-vous aujourd'hui sur les bons côtés de la vie. Les capricornes. Vous êtes à envier, vous êtes en pleine forme et vous pourriez déplacer des montagnes. Les Verseau. Allez de l'avant, ne traînez pas au lit aujourd'hui. Et pour finir les... Quelle idée. Ben oui, et pour finir les poissons. Grâce à votre travail, vous avez pu défendre votre position professionnelle des attaques. Alors maintenant, vous n'êtes plus en danger. Très bien, merci Doudou, on se retrouve demain à tournée. Ah oui. Ben vous, il y a des croissants gratuits. Ah, vous êtes sûr qu'ils seront gratuits? Mais oui, mais vous inquiétez pas. Si je m'inquiète un peu. Vous ferez l'horoscope au boulanger, vous inquiétez pas. Ah d'accord, alors voilà. Ça va. Eh ben très bien, 9h17 sur Fun Radio. Bon réveil, dans un instant, la réponse à la devinette. Non, pas du tout, la réponse à nos deux artistes que nous cherchons, bien évidemment. Nos deux invités mystères. C'est juste après Mika et Elle me dit sur Fun Radio. Bon réveil. Elle me dit. Fun Radio 9h20, bon réveil tout le monde. Dans un instant, il y a Lucas qui arrivera avec, comme d'habitude, le self. Jusqu'à 13h, vous ferez la prog avec lui, comme d'habitude. Il y aura Jasmine juste après. Evan également qui reçoit Moussier Tombola ce soir pour une soirée qui aura lieu avec Fun Radio. Je vous en parle dans quelques instants. Et puis avant cela, évidemment, nous devrions avoir. Nous avons d'ailleurs Alex qui est là maintenant. Bonjour Alex pour la Bonjour. Réponse à nos invités mystères. Comment ça va? Bonjour Mickaël, ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien Alex, tranquille. Hein. T'appelles d'où? Moi j'habite à Limbourg. À Limbourg, ah bah ça va très bien là. Ouais, mais je répondrai pas à la même chose que tout à l'heure. Tu m'étonnes. Bon, Alex, alors, tu as la réponse à l'invité mystère, je vais le remettre. Alors on va se quitter comme ça, comme des cons devant le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais, on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Ouais. Mais je trouve pas. Ouais. Mais je trouve pas de refrain, de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que j'ai trop dit, mais je te dis quand même. je t'aime. Ouais, ouais, voilà. Donc alors, qui étaient nos deux invités mystères? Ben c'est Patrick Bruel et Mister You. Mais oui, exactement. Ils étaient sur le plateau hier du Grand Journal en France sur Canal+. Ouais, ouais. Et ouais. Bah voilà, bah du coup, ça te fait gagner une tablette numérique Lenko quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est bah voilà. Et ben bah, c'est tout gagné. Beaucoup. Voilà, Alex, je t'en prie, pas de problème. Tu restes au standard. On prend tes coordonnées, on t'envoie ça rapidement, ok? Ça va, merci beaucoup. Salut Alex, bonne journée à toi aussi, à bientôt. Et avant de se quitter, nous allons bien évidemment parler d'une grande émission qui a eu lieu hier soir sur NT1. Alors il y avait une émission improbable sur les célibataires. Je ne sais pas si vous connaissez Tous Différents, c'est le nom de l'émission, mais si vous savez, si vous avez jamais vu, bah, cherchez sur internet, ça vaut le détour. Alors pour résumer l'émission, on suit donc 4 célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Hein. Oh, pourtant, bah oui, pourtant ça partait bien. Moi je pense qu'une femme, il faut la traiter comme une rose, il faut la traiter avec de l'attention et il faut l'arroser. Pour moi, c'est un travail de tous les jours. Oh, c'est voilà, c'est beau. Ce que je voulais dire. On comprend vite pourquoi ils sont célibataires. Mais oui, c'est ça. Bon, mais ça se complique évidemment un petit peu quand il faut aller sur le dance floor. J'aimerais bien danser, mais le problème, c'est que je sais pas danser. Je sais pas, je connais pas les mouvements, les chorégraphies, ni rien. C'est tout le problème. Ah oui, forcément, s'il connaît pas les pas. C'est tout le problème. Bah, c'est compliqué. Plus sa façon de parler qui pose problème. Oui, je pense. Parce que danser, entre guillemets, quand même, 9 fois sur 10, les hommes savent pas danser. Donc, oh, tout de suite, exagéré. Ah bah, si, attends, c'est vrai, vous savez pas danser. Ça. Bon, et ce Frédéric, c'est un mec qui a eu de la chance parce qu'il a tout vécu la même année. Par ordre chronologique, j'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai eu mon permis et j'ai eu mon bac. Waouh. Tout ça la même année. Tout ça la même année. Ah ouais. Bien. Bah, alors, dit comme ça, on peut se dire, on pense qu'il a tout fait ça l'année de sa rédo, tu vois, donc vers 18, 19 oui, ans. Il a eu son bac, c'est à 18 ans, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Permis de conduire aussi, ouais, 18. Ouais. Mais bon, pas exactement. Tout ça la même année. Bien. Pour mes 22 ans. Ah oui, comme ça. Je n'en demandais pas autant. Et ouais, l'année de ses 22 ans, il n'en demandait pas autant. Et oui, c'est normal. Il a pris un tout petit peu de retard. Mais oui. 4 ans, 3 fois rien. Mais rien ne sert de courir, c'est bien connu, évidemment. Ah bah non. Voilà. Bah ouais. Bon, et pour finir, sur cette grande émission, vous allez fermer les yeux. Surtout ceux qui sont au volant. Attends, non, c'est une vanne. Vous imaginez une grande blague d'1m80, musclée, tatouée de partout avec une crête. Vous la visualisez bien, c'est bon? Ouais. Ah, oui. Très bien. Eh bien, donc, bien balèze et tout. Hein. Oui, toujours, bah, toujours bien imaginé, là, très bien. Ouais. Alors maintenant, elle va vous parler. Quelqu'un qui sent pas, qui sent pas les pieds, qui transpire pas, qui a pas de poils, qui fait 1m90, hein, qui est quand même bien monté, qui se tait des fois, qui ne fait pas de crâner devant ses copains. Eh ben voilà. Oh, cette voix, quelle une belle voix, très belle voix. Ouh là là. T'imagines, tu la croises dans la rue? Non, je préfère pas. Je préfère pas imaginer ce genre de choses. Voilà, donc une très grande émission. Si vous n'avez pas NT1, bah cherchez sur internet. Tous Différents, donc c'est le nom de l'émission. Et ça a le mérite d'en parler. Il faut en parler. Hein. C'est oui. grande émission. C'est malheureux célibataire. Mais oui, mais c'est ça, les pauvres. Voilà, c'est que c'est dramatique. Bon, dans un instant sur Fun Radio, il y a le son de Will.i.am avec Mick Jagger et The Hardest Ever. On écoute ça maintenant. Tiens, on reviendra juste après sur Fun Radio en direct avec vous toutes et vous tous. Bon réveil. Il est 9h24. 9h28 sur Fun Radio, c'est la fin du morning. Et on oui, Julie est triste. Moi, je suis un petit peu triste. Bon, en tout cas, on se retrouve demain en direct de tournée. Ce sera donc à Boulangerie Vielle. On sera là-bas, tranquille, pépère. C'est bon pour ton régime, Mickaël. Ah, ça, mais je n'ai pas dit que j'allais manger. Bon. C'est pas parce que je suis dans une boulangerie que je dois manger passer forcément. Passer une matinée dans une boulangerie et enfin, pas toucher à un croissant. En même temps, j'ai déjà perdu 5,5 kg, je peux prendre un croissant. Tu peux au moins prendre 5, ouais. Non, pas 5 non plus, mais avec un, ça ira très bien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc demain, on sera tourné 18 rue Royale à tourner. On vous attend nombreux et nombreuses. Venez nous faire un petit coucou. Donc, je paierai mes factures comme d'habitude. Et je paierai également mon petit déj à ceux qui passent nous voir. Voilà, vous êtes les bienvenus, évidemment. Bonne journée à Toff et Hop, ils sont déjà barrés d'ailleurs. Et puis, bonne journée à Julie également. Très, très bonne journée à toi. Voilà, à demain dès 6h sur Fun Radio. Ciao à vous. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.